burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Bienvenue sur Énergie, les 6h. C'est reparti. On est de retour. Vous pouvez commencer à paniquer, c'est nous qui prenons les commandes. On va écouter BG de Rime dans 2 minutes. Il y aura aussi Dan Balan, le retour. On les croyait oubliés Ozone, popopopopo. C'était sans compter le génie d'un des 3 mecs d'Ozone qui s'est dit tiens si on faisait un remix. Et ça revient et on est content. Ça arrive pour vous. Dans 10 minutes, c'est les concours du jour pour se dire qu'il y a pire que nous dans le monde. Tout ça, c'est juste après les infos. Soyez les bienvenus. C'est Manu dans le 6-9. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore une très belle journée pour un large quart nord-est ce mardi. Du grand soleil de la Bourgogne au Grand Est en passant par les Hauts-de-France et les Alpes. Dans le reste du pays, ce sera un petit peu plus nuageux, mais il y aura quand même de belles éclaircies. L'Aude est toujours en alerte orange malgré tout à cause des inondations. Sinon, les autres alertes sont levées. Les températures max toujours aussi douces. Cet après-midi, par exemple, il fera 21 degrés à Bergerac, comptez 23 à Dijon, 23 aussi à Lille. 3 ou 4 mois de pluie en seulement quelques heures, c'était beaucoup trop pour le département de l'Aude, dévasté donc par des crues historiques hier. Selon le dernier bilan provisoire, 11 personnes sont mortes, 2 autres restent portées disparues ce matin. Certains cours d'eau sont passés de quelques centimètres à plus de 7 mètres autour de Carcassonne. De nombreuses routes ont été coupées, des habitants élitreuillés pour échapper au pire. Maintenant, il faut aussi évaluer l'ampleur des dégâts. Une procédure accélérée de catastrophe naturelle a été déclenchée pour permettre aux assurances de travailler plus vite. En tout cas, la bonne nouvelle du jour, c'est que les niveaux des eaux ont considérablement baissé depuis quelques heures. Dans ce contexte d'urgence, le Secours populaire lance un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés. Secourspopulaire.fr si vous voulez faire un geste. Le Premier ministre présent sur place hier a mis entre parenthèses son programme initial pour aller à la rencontre des familles qui ont parfois tout perdu. Le remaniement gouvernemental prévu ce lundi devrait donc avoir lieu aujourd'hui. Le sport maintenant avec le match des Bleus en Ligue des Nations ce soir. France-Allemagne, le choc entre les deux derniers champions du monde à Saint-Denis. Coup d'envoi fixé à 20h45. Pour ceux qui sont toujours à la recherche d'un maillot 2 étoiles, vous êtes nombreux. 170 000 exemplaires devraient être livrés d'ici Noël en France. En tout cas, c'est plus du double en fait, ont été précommandés selon le Figaro, puisqu'on atteint 350 000 apparemment en précommande. Ça passe vite, début des vacances scolaires dans 3 jours seulement pour tous les élèves. Un repos bien mérité après un début d'année toujours très chargé. 20% des Français devraient partir en congé pour la Toussaint, le plus souvent en France d'ailleurs. Bilan d'un sondage dévoilé hier, c'est beaucoup plus que l'an dernier. Chacun son tour, Lego a bien eu droit à 4 films au cinéma. Rien de surprenant donc à voir les Playmobil débarquer en salle prochainement. Sortie attendue en août prochain donc, selon les studios à l'origine du projet. L'histoire de Maria qui se lance à la recherche de son petit frère. C'est le réalisateur de La Reine des Neiges qui a été choisi pour piloter ce nouveau film d'animation. Et puis on termine avec des nouvelles de Black M, puisque le rappeur vient de nous envoyer une petite carte postale sur ses réseaux sociaux. Il est donc en studio en ce moment pour la préparation de son 3e album et apparemment tout se passe très bien. 6h03, c'est la fin de ce flash, on est le mardi 16 octobre. Bon réveil, bonne matinée sur Énergie. Comme chaque matin, c'est Manu dans le 6-9 qui continue. Et nous on se donne rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée. Bonjour Paulette. Salut, salut. Bonjour Glandu. On reste sous la couette. Bonjour Nico. Il est 6h04. Et bonjour papa. Merci. Allez, ça commence. On est là, on est de retour avec vous. 6h04, c'est le 16 octobre. Bonjour mardi. Bonjour mardi. On va le manger ce mardi, je vous le dis. Ah oui. On est de retour avec vous, comme chaque matin, en direct, jusqu'à 9h30. C'est les moins du matin, c'est Manu dans le 6-9. Vous êtes avec nous, vous aussi, il faut vous le dire. Il faut en avoir conscience. Vous êtes moins. Mais oui. Assumons-le. Mais à partir du moment où on est tous des moins, tout va bien. Si vous commencez à vous dire je ne suis pas un moins, on va vous regarder. Oh, vous n'êtes pas un moins. Arriver dans l'open space et crier je suis un moins. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, vous arrivez au boulot, je suis un moins. Ouais. Si les autres vous répondent nous aussi, ça veut dire qu'ils nous écoutent aussi. Ah. Si vous êtes viré, vous dites pas que c'est vous. On va écouter BG le rime dans deux minutes. Et juste après, c'est les concours du jour. Pourquoi qu'il arrive, vous dire qu'il y a pire que vous dans le monde. Des gens improbables qui font les choses improbables, ça arrive dans trois minutes. Avant ça, quoi de neuf dans vos vies, les amis? Nico. J'ai un petit problème avec ma femme. Oh, ça, pas... J'ai demandé quoi de neuf. Oh, non. Non, c'est pas régulier. Ça va, oui. Ça c'est un truc. C'est un truc, ouais, qui est arrivé hier. C'est qu'en fait, en ce moment, j'ai un tout petit peu regrossi après l'été. Voilà, je me suis laissé un petit peu aller. Et en fait, elle m'a dit un truc hier. Elle m'a dit, mais j'aime bien, t'es rassurant. Et on est d'accord que c'est abusé, ça. C'est pas bien de dire ça. Elle t'a dit, t'es rassurant. Ouais. Mais alors, je sais pas si en quoi on est rassurant quand on a un petit peu. Est-ce que c'est pas la première fois que j'entends ça? Bah oui. C'est pas la première fois que j'entends une fille dire. Oh, c'est rassurant quand t'as un petit peu de bidon. Isabelle. Bah, c'est tout doux, on se sent bien, on se sent protégé, on peut se lover dans ton corps, ah, tu mais vois. Je veux pas, moi. Non, mais c'est plein d'amour, hein, ce qu'elle dit. Tu veux dire que c'est comme une poche de kangourou? Ouais, c'est tout. C'est pas bien. Paulette. Oui, mais c'est un peu la routine, du coup. Ça veut dire que t'es plus le sexy boy des débuts, quoi. Oh non, Paulette. Désolé. Ah. Mais c'est bien être rassurant, quoi. C'est mieux que quelqu'un qui rassure pas la fille. Tu veux dire que c'est une étape. Au début, voilà, t'étais le mec gaulé, comme elle dit, pour être sexy boy. Maintenant, t'es le mec un petit peu avec un peu de bidon rassurant. Non, c'est l'évolution normale du mariage vers le divorce. Mais non. J'ai pas envie. On reste là-dessus, j'aime bien. Ouais. Qu'avez-vous envie de partager avec nous, Isabelle? Mon fils de 4 ans, ça y est, il l'a fait tout seul et je suis tellement fière. Il a réussi à mettre ses chaussures du bon côté, enfin à l'endroit, quoi. Ça, c'est tellement bien. C'est gênant. Bah oui. On se réjouit de peu de choses quand on est maman. Je savais pas. Vous savez pas ce que c'est que de remettre les chaussures à l'endroit tout le temps, tous les jours, à chaque fois. C'est hyper fatigant. Oui. Il y avait une chance sur deux de les mettre à l'endroit, les chaussures. Oui, mais là, c'est du sûr. C'est vrai. C'est des maths. Peut-être qu'il a eu juste de la chance. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je serais toi, je fais un tableau et tu vois sur un mois. Et encore après un mois, ça reste quand même 50% une chance sur deux. C'est quoi? C'est un pile ou face qu'il a fait. Hein. Merci pour vos encouragements. On vous en prie. Glandu. Manu, j'ai une super nouvelle pour toi. Tu vas pas rester célibataire très longtemps. Oh ouais. T'as vu quelqu'un qui t'a parlé de moi? Non, c'est mathématique. J'ai découvert que quand on tape dans Google ton nom, la suggestion, il y a les petites suggestions qui apparaissent en dessous. Oui. C'est quand tu commences à taper. Oui. Quand tu commences à taper, et ce qui ressort en numéro 1 des recherches les plus faites par les internautes, c'est Manu Lévy célibataire. Non. Oh. Quand tu tapes dans Google mon nom. Ouais. Excusez-moi, je le fais. Célibataire. Manu Lévy célibataire. Génial. On recherche Google. Les fans te recherchent par milliers. Hein. Wow, calme-toi. Calme-toi, t'as essayé Glandu ou pas? Non, j'ai pas essayé. Non, je pense pas que le résultat soit le même du coup. Ok, ça va. Tu sais quoi, tu m'as fait ma journée. Voilà. Paulette, quoi de neuf? Je crois que je vais passer cette année très difficile là, qui arrive sur moi. Ça fera 14 ans tout alors. Non, je suis allée au déménagement de ma cousine et j'ai voulu porter un miroir et je l'ai explosé avant de monter dans le camion. En fait, au moment où il fallait le monter, je l'ai explosé. Et sur le retour du déménagement, déjà, premier truc qui m'arrive, je perds mes clés, tombent de mon sac en voulant attraper un truc, elles tombent dans un égout. Donc là, je crois que je suis sur vraiment début d'une. Et t'as fait comment pour les récupérer, tes clés? Oh là, une galère. Il y a un monsieur qui m'a aidé, on a soulevé la grille, il me tenait, enfin bon, pour récupérer mes clés. Pourquoi il t'a pas jeté dans les égouts? Parce qu'il m'aimait bien, je pense, en fait. En refermant la grille et en disant bon débarras. La galère, c'est plus pour ta cousine, elle a plus de miroir. Faut lui racheter. C'est surtout ça. Ça peut être qu'il n'y a pas pensé. Pensez juste à elle, 7 ans de malheur. Et bien écoute, c'est le premier jour de tes 7 ans de malheur. Chaque jour, tu nous feras un point pour savoir quel a été ton malheur du jour pendant 7 ans. Mais non. 6h09, on écoute VG de Rime tout de suite sur Énergie. Et juste après, rassurez-vous, il y a pire que nous dans le monde. C'est les concours du jour qui arrivent. Bon réveil. Ça, c'est VG, tu me gagnes. je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Ramenez la coupe à la maison. Écoutez Dead Balan, Numa Numa. Le retour d'Ozone. Personne ne s'y attendait, même eux. Ouais. Et pourtant, remix et bim, ils sont de retour. Ouais. Avant ça, voici des gens improbables qui font des choses improbables. Ça s'appelle les concours du jour et c'est tous les jours pour vous. On démarre aux États-Unis. Un homme entre par effraction dans une maison et tombe dans la penderie sur les costumes du propriétaire. Il trouve les costumes tellement beaux qu'il en essaye un. Il se dit, mais il me va très bien. Du coup, il s'enfuit en le portant. Ah. Problème. En changeant de vêtements, il a laissé sur place sa veste à lui dans la maison. Ah. Ouais. Avec, évidemment, déjà des traces d'ADN, mais surtout dans la poche intérieure, ses papiers d'identité. Oh non. Voilà, pas la peine de rajouter. Vous connaissez la fin de l'histoire. Bah oui. Ah bah oui. Au Pays de Galles, on sait pas trop où c'est, mais on sait qu'ils font du rugby là-bas. C'est vrai. Au Pays de Galles, écoutez bien, il y a 2 ans, un homme trouve son voisin mort dans son appartement. Oh. Oh. Et au lieu d'appeler la police, ce mec a volé sa carte de crédit. Mais quelle horreur. Oh non. Et l'a utilisé pour, pendant 2 ans, commander des pizzas aux anchois chez le Domino à côté, pendant donc 2 années avant d'être attrapé par la police. C'est ouf. Alors, comment ça se fait qu'il s'est pas fait attraper pendant 2 ans? Bah oui. Parce qu'il a payé donc une pizza tous les jours, et en plus, il a payé les factures, le téléphone portable et l'électricité de l'appartement du mec pour faire croire qu'il était toujours vivant. Ouais, oh, là, on va très très très loin dans le manque d'empathie, dans la méchanceté, dans l'illégalité. C'est horrible. Je suis choquée par ce concon. Merci, Élise Lucet. Bah ouais. Le mec a volé pour 15 000 euros, dont 8 000 euros de pizza. Il a enfin été arrêté après 2 ans. Bah, c'est bien un mec, quoi. L'envie de pizza avant tout. C'est ouf. Il ferait tout pour une pizza. Maintenant, moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'avec le mec, il a mangé tous les jours une pizza aux anchois. Ah ouais, très, très mauvais choix. Est-ce qu'en 2018, vraiment, on a envie de ça? Dernier concours du jour. Un homme vient d'être condamné à 1 an de prison pour avoir fait l'amour à un pot d'échappement. Quoi? Dans la rue, devant tout le monde. Il a été accusé, là je cite, d'avoir délibérément et publiquement montré un organe sexuel en présence d'une autre personne qui n'est pas sa conjointe, avec l'intention de satisfaire des désirs personnels avec un objet inanimé. C'était pas sa voiture en plus, j'imagine, quoi. Alors ça, je sais pas qui était la voiture. Ça doit être dur, ça doit être dur. Écoutez, en gros, ce mec, il doit pas travailler chez Midas. Ah oui. Allez, 6h15, on revient tout de suite avec Dan Balan sur Énergie. Bienvenue sur Énergie. Vive les wouah du matin. C'est Manu dans le 6-9. Ouais. Énergie. Everything. Why is it in my blood? only. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. Sun and change in the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back. Sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. C'est Jérémy Michalak avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Le Michalak de la télé, hein, pas le rugbyman. J'ai autre chose à faire dans la vie que de courir derrière un ballon. C'est même pas rond leur ballon. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est vrai que là, il a pas tort, le ballon des rugbymen, il est pas rond. Donc, Alors c'est son anniversaire aujourd'hui, pas Jérémy Michalak, mais à Frédéric Michalak, le rugbyman. Ah, il a 36 ans. Okay. Heureusement qu'on lui a fait dire du coup Frédéric Michalak ah dans oui. la phrase. Ah, effectivement, heureusement que... Ça tombe bien. Deux pour le prix d'un. Bingo. Petit cancre. Oh, petit cancre. À moi ? Oui. Oui. Bah alors, ouais, ok, d'accord. On va s'écouter Dan Balan, les amis. Et juste après, nous allons parler de ce qu'on peut appeler des blagues de papa. On a tous des papas, et tous les papas parfois nous mettent honte en sortant des blagues un peu pourries. Ah. Genre, passez-moi la Game Boy, vous savez, pour la machine à carte bleue au restaurant. Alors que ça fait plus de bruit depuis 1000 ans. Ouais. Voilà, Nico a une très belle histoire là-dessus, c'est dans 3 minutes sur Energy. Nobody on my head, nobody. vous avez bien entendu, ce n'est pas une erreur, vous n'êtes pas retombé en 2001. Ouais. C'est bien Ozone, le remix qui est arrivé, qui coupait plutôt pas mal et qu'on ouais. écoute tous les matins. On va écouter Eddie de Preto, il y aura aussi Juice WRLD pour vous. Avant ça, il est 6h22, nous allons parler des blagues que peuvent faire nos papas et on se dit, oula, oh, il me met la honte là en ce moment. Ouais. 0870-42-48, vous pouvez nous appeler pour vous raconter les autres. Pourquoi on en parle? Parce que Nico a une belle histoire. Ouais. J'adore mon papa, hein, vous le savez. Hein. Ouais. J'adore mon papa. Oui. Mais ce week-end, j'étais au centre de l'auto alors, avec. Alors ne le prends pas mal, Nico, ouais. mais tout le monde. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que, enfin, ouais, bref, j'étais au centre de l'auto avec lui dimanche. Ok. Il y avait plein de voitures et il a fait quelque chose qui est assez gênant quand même. C'est qu'en fait, il s'installait à l'arrière des voitures. Tu sais, t'as toujours des gens qui essayent les véhicules, etc., qui rentrent dedans pour voir commencer. Mm-hmm. Et dès qu'il s'installait à l'arrière d'un véhicule, il rentrait et il disait au mec qui était devant, qui était à la place du chauffeur, il disait 12 avenue de la République, s'il vous plaît. C'est en mode chauffeur de taxi. Ouais, en mode blague paye pas. Blague de papa, ouais, blague de papa. Ça. Et il l'a fait 4 ou 5 fois quand même. Hein. Ah oui. Ah. Alors, c'est le truc de la blague de papa, ouais. c'est que quand il en tient une, ouais. qui le fait rire, toujours. Papa peut faire la blague 1000 ouais. fois. Mais elle a marché ouais. une fois et il s'est dit, bah tiens, je vais répéter le truc. Quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser les papas faire une blague une fois. Oh, parce que sinon, après, il l'a fait 100 fois. C'est ouais. ça, j'ai pas osé lui dire. Après, il y a un rire de politesse souvent qui s'ensuit, quoi. Ouais. Un petit rire un peu gêné. Ouais, ouais, mais pour lui, c'est pas un rire gêné, ouais. c'est ma blague est drôle. C'est ça. Exactement. Voilà. Blague de papa. Isabelle ? Dès que je vais au soleil, j'ai des taches de rousseur encore plus que d'habitude. Mmh. Et donc, à chaque fois, mon papa me dit bah alors, t'as bronzé avec une passoire ? Aïe. Blague de papa. Ouais, c'est terrible. Hein. Blague de papa. Après, ça n'allait pas. Non, J'aime bien. Ah, j'aime bien. On a Delphine avec nous au téléphone. Bonjour Delphine. Salut Manu, salut les ouinouins. Hello. Salut. Blague de papa, on t'écoute. Alors, j'ai acheté un bracelet de la marque Fossil à ma mère. Et à chaque fois qu'elle le met, mon père lui dit, t'as vu, c'est une marque pour ton âge, ça, Fossil. Oh, la vache. Ah ouais. Voilà. Ah bah, et blague de papa qui vraiment là, il est dans la routine du couple. Hein. Oula. Et ta maman, qu'est-ce qu'elle dit? Oh bah, elle dit rien, elle se barre. D'accord. Oh, ça va alors. Alors écoute, si ça fait rire. Après, faut bien vérifier que ce soit bien une blague, quoi, tu vois. Parce que s'il le pense vraiment, là, tu te dis ok. Écoute, papa, attention, tu n'as plus de filtre. Merci de nous avoir appelé, Delphine. Blague de papa, glandu. Mon papa, quand quelqu'un fait tomber de l'argent par terre, il dit attention, ça repousse pas. Oh. Alors t'as aussi le laisse-le, ça retombera pas plus bas. Blague de papa, on a Julien qui est là. Bonjour Julien. Salut Manu, salut les mamans. On écoute ta blague de papa. Eh ben écoute, moi c'est quand on est à table et qu'on s'apprête à trinquer, mon beau papa il peut pas s'empêcher de dire quand on lui dit santé, il peut pas s'empêcher de dire ouais mais pas trop des pieds. Voilà, la blague relou. Santé, mais pas des pieds. Ah ouais. C'est marrant parce que cette blague de papa, mon ex la faisait. Ah ouais. Je me demande si c'est pas un papa. Bah, je crois qu'elle est universelle cette blague. Elle est universelle, mais faudrait pas. Merci de nous avoir appelé, Julien. Blague de papa, Nico, t'en as une autre? Ouais, mon père cumule un petit peu là. Ah, alors vas-y. Il fait une blague avec des huîtres en fait. Quand il va acheter des huîtres, c'est le type normande. Il regarde, ouais, c'est un type d'huître apparemment. Okay. Et bah, il demande à la vendeuse, il lui dit je veux des huîtres, hein, pas les vaches. Les normandes. Oh non. Ouais. Je suis en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je lui parle. Non, c'est quoi? Je parle directement de papa. 6h25, on vient tout de suite sur Énergie. Ouais, écoutez, Eddie de Preto, ça arrive après les infos de 6h30 et les sondages du matin arrivent dans un peu plus de 10 minutes. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9, c'est Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Dans la famille des ouin, il y a Manu. Énergie. Leur destin sont entre vos mains. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Le Crédit Mutuel donne le la aux Energy Music Awards avec Rifix.fr. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. La fraîcheur vous gagne. Leclerc. Chérie, en ce moment avec la carte Leclerc, tous les 25 euros d'achat, tu reçois des points. Et avec 10 points, cette boîte de conservation sous vide Nutri-Fresh est à 50 centimes seulement. Et pour 2 points et 50 centimes de plus, la pompe à vide d'air qui va avec. Génial ça, pour conserver les produits frais. Jusqu'au 10 novembre avec votre carte Leclerc, collectionnez des points pour obtenir des ustensiles Nutri-Fresh. Voir modalité sur www.lafraicheurvousgagne.leclerc. La fraîcheur me gagne. faire mes trajets quotidiens en Renault Zoé. Facile avec ses 300 km d'autonomie et pour seulement 99 € par mois. En octobre, chez Renault, c'est le rendez-vous électrique. Profitez de Renault Zoé à 99 € par mois. Réservez votre essai au 30-23. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2 000 € plus 36 loyers de 99 €. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39 € hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre. Voir conditions sur Renault.fr. Leclerc. Chérie, réveille-toi. Avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 40% de réduction sur l'assortiment de 10 pains au lait et 8 pains au chocolat pastier. Mais quelle heure il est? L'heure du petit-déj. Du 16 au 20 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le paquet de 10 pains au lait plus 8 pains au chocolat pasquier de 710 grammes avec 40% de réduction immédiate est à 1,58 € après réduction. Voir modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. C'est ça les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Renault Occasion, c'est aussi des véhicules utilitaires. Oh, regarde le technicien qui répare la ligne haute tension. Il a pris son utilitaire avec lui sur la nacelle. Son utilitaire sur la nacelle? C'est mon trafic d'occasion. Il est beau, hein? Ça aurait été dommage de le laisser en bas. Vous le voyez bien, là, mon trafic d'occasion? Vous allez être fier de votre occasion. Et avec la garantie pro jusqu'à 36 mois et le véhicule de remplacement, vous allez être encore plus fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018. Offre réservée aux professionnels sur une sélection de véhicules. Conditions sur Renault.fr. Leclerc. Juliette, le 17 octobre. Ouais, bah quoi? C'est la sortie de Deadpool 2 en vidéo. Génial. Encore plus génial, 10 € de réduction sur le Steelbook Blu-ray en édition spéciale Leclerc. Avec le porte-clé de Deadpool. Oh, je prends le porte-clé. On verra. Du 17 au 30 octobre, le Steelbook Blu-ray Deadpool 2, édition spéciale Leclerc. Avec 10 € de réduction immédiate est à 24,99 €. Disponible en ligne et en magasin, voir modalité et magasin participant sur www.culture.leclerc. Deadpool 2, le 17 octobre, dans mon salon. Après la fermeture, dans une agence Profil Plus. Madame Dumas voulait s'offrir les pneus Michelin Cross Climate Plus, élu produit de l'année. Parfait pour affronter toutes les conditions climatiques. Oui, mais elle m'a aussi dit qu'elle partait au sport d'hiver. Alors je lui ai conseillé les nouveaux pneus Michelin Alpin 6. Bien vu, un pneu hiver sera bien plus performant, surtout en montagne. Et toujours par 4 les pneus hiver, hein. Bah oui, je lui ai expliqué pourquoi. Elle l'avait déjà lu sur profilplus.fr. En ce moment chez Profil Plus, obtenez jusqu'à 100 € pour l'achat de pneus Michelin hiver ou Cross Climate. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr. La fraîcheur vous gagne. Leclerc. Chérie, en ce moment avec la carte Leclerc, tous les 25 € d'achat, tu reçois un point. Et avec 15 points, ce kit de cuisine 601 Nutri-Fraîche est à 2 € seulement. Superbe. Prouve-moi une recette qui nécessite presse agrumes, grattaille, séparateur de blanc d'œuf, entonnoir et deux bols mesureurs. Jusqu'au 10 novembre avec votre carte Leclerc, collectionnez des points pour obtenir des ustensiles Nutri-Fraîche. Voir modalité sur www.lafraîcheurvousgagne.leclerc. La fraîcheur me gagne. Et si vous preniez rendez-vous avec Renault Zoé? Samedi dernier, on avait encore 1000 choses à faire. Les courses, bien sûr, mais aussi la compétition de judo du grand, l'orthophoniste, les cours de piano. Et ben après tout ça, on était loin d'avoir épuisé la batterie. Et oui, avec Renault Zoé, on peut faire jusqu'à 300 km sans recharger. Et puis, il faut souvent emmener les copains. Alors merci les 5 places de Zoé. Du 1er au 31 octobre, ne manquez pas le rendez-vous électrique dans le réseau Renault. Réservez dès maintenant votre essai au 30-23. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 6h30, on est à l'heure. On a dû foirer un truc. Bon, écoutez, Eddie Depreto. Et juste après, c'est les sondages du matin qui arrivent pour vous. 16% des gens dans le monde se sont déjà retrouvés aux urgences pour s'être coincé le doigt là-dedans. Le doigt dans quoi? On n'a rien à y mettre le doigt là-dedans, normalement. De quoi il s'agit? La réponse est dans 10 minutes. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Alerte rouge toujours en vigueur ce matin pour le département de l'Aude à cause des inondations. Sinon, toutes les autres vigilances sont levées. On va retrouver des nuages, quelques éclaircies, c'est vrai, dans la zone comme sur une bonne partie de la moitié ouest. Pour Alain Chocard, nord-est, en revanche, aucun souci en vue du grand soleil pour tout le monde ce mardi. Les températures restent assez douces, 19 degrés à Aurillac, 20 à Toulon, 23 à Lille aujourd'hui. 11 morts et 2 disparus. Le bilan toujours provisoire des inondations d'hier dans l'Aude est donc dramatique. En quelques heures, il est tombé l'équivalent de 3 ou 4 mois de pluie. Situation extrême aux conséquences extrêmes. De nombreux habitants ont tout perdu. Certains ont même été élitreuillés pour échapper au pire. Des zones entières de cultures sont dévastées. Le gouvernement a donc lancé une procédure accélérée de catastrophes naturelles. Les assurances vont pouvoir travailler un petit peu plus vite pour indemniser les victimes. Et le Secours Populaire lance aussi un appel aux dons aujourd'hui. Dans l'actu également, certains fans privilégiés ont pu écouter le nouvel album de Johnny hier à Paris. Mon pays, c'est l'amour sortira vendredi matin à minuit. Un dispositif exceptionnel. 800 000 exemplaires seront mis en rayon. Du jamais vu pour un premier jour. Certains magasins ouvriront d'ailleurs dans la nuit de jeudi à vendredi. Avis à tous ceux qui vivent dans les régions montagneuses. Les pneus neige devraient être obligatoires à l'avenir. Un décret sera vite pris en compte, en principe, même s'il reste encore à définir précisément les zones géographiques. Il faudra chausser 4 pneus hiver dans tous les ans, du 1er novembre au 31 mars. Un choc ce soir au Stade de France en foot. Les Bleus affrontent l'Allemagne pour la rencontre de Ligue des Nations entre les deux derniers champions du monde. Le coup d'envoi sera donné à 20h45 pour ce match officiel et on devrait retrouver en principe les cadres comme Kanté, Matuidi, Griezmann ou encore Mbappé. Avec eux, la messe élite, Thérapie Taxi retourne une église pour le clip de son titre Avec ta Zouze. L'un des 8 morceaux inédits prévus pour la réédition de l'album Hit Sale. Renaud, AD et Raph ont dû cravacher pour la sortir le 16 novembre entre les festivals et leur tournée quasi complète. Un rythme totalement effréné où même leurs jours off sont mis à profit pour faire évoluer leur show. Super important, moi c'est ce que je préfère maintenant. Enfin, c'est pas ce que je préfère, mais disons que l'équilibre, et ouais, exactement, t'apprécies d'autant plus. On n'a jamais fait, je crois, par exemple, plus de 4 jours de concert à la suite, tu vois, mais déjà 4 jours c'est beaucoup. C'est bien quand t'as eu 3-4 jours de pause, tu reviens et tu re-kiffes. Puis le fait aussi d'être dans la constance évolution. Je pense qu'on n'était pas totalement prêts, surtout au niveau du live, tu vois, on n'était pas prêts à se retrouver sur des trucs énormes, quoi. Donc il a fallu tout le temps upgrader, tout en tournant, et là ça commence à, je pense, se stabiliser, mais on va toujours chercher de nouveaux trucs, quoi. L'interview signée Sébastien Lefflecoq. Thérapie Taxi a retrouvé en tournée avec Énergie à Brest, à Reims ou encore du côté de Rennes. 6h33, fin de ce flash mardi 16 octobre. Manu dans le 6-9, ça continue sur Énergie. Bonne journée. Avec vous, 6h33 minutes, soyez les bienvenus. C'est mardi, on est le 16 octobre. Plein de choses. Ouais. Ah, plein d'études et plein de sondages avant 7h. Ah, oh, génial. Cool. D'abord, les sondages du matin arrivent dans 5 minutes, comme chaque jour, pour vous. 16% des gens à travers le monde se sont déjà retrouvés aux urgences pour s'être coincé le doigt là-dedans. Aïe. Ah. Dans un endroit où faut pas mettre le doigt normalement. Et pourtant, 16% des gens dans le monde ont mis leur doigt et sont allés aux urgences. Bon. Okay. De quoi il s'agit, la réponse est dans 5 minutes, juste après Edith de Préto. Et puis avant 7h, je vais vous sortir des études qui commencent toutes par un Français sur 5. Ok. Ah. Un Français sur 5 a déjà fait ça. Un Français sur 5 a déjà tenté de faire ça. Il est arrivé ça à un Français sur 5. Nous sommes 5 dans le studio. Uh-huh. Nous verrons quel est le Français sur 5. Ok. Ah. Faudra avouer. Ah, parfait. Il y a des trucs pas jolis, jolis. Mais excusez-moi, nous sommes 5. Statistiquement, il y en a un qui l'aura fait. Ça va se passer avant 7h. Avant ça, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer des messages vocaux sur l'application Manu dans le 6-9. Ouais. Elle est là pour ça. Ça cartonne. Vous pouvez continuer à tout instant, pendant l'émission évidemment, et aussi pendant la journée. Vous pouvez nous envoyer des messages vocaux pour tout et n'importe quoi. Et on les écoute pendant l'émission. Tout à l'heure, à 6h10, c'était les concours du jour. Ouais. Je vous raconte des histoires de gens improbables qui font des choses improbables. Écoutez le message qu'on a reçu. Salut Manu, salut les Wawins. J'avais une question à vous poser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander si le cocon du jour, c'était pas vous ? Moi, j'ai doublé une voiture avec un radar embarqué, je me suis arrêté et je l'ai redoublé une deuxième fois. Résultat, 2 PV. Oh non. Aïe. Ah oui. Là, il y a un moment, mec, il faut que tu te dises que tu fasses quelque chose en voiture. Ouais. Peut-être arrêter. Voilà, c'est ça. Bien roulé. Autre message qui est arrivé sur l'application Manu dans le 6-9. Une demande un peu bizarre. Salut toute l'équipe. Alors, est-ce que je pourrais faire du ukulélé avec Manu ? J'adorerais. Au revoir. Oula, c'est bizarre. Ah ouais. Tu sais jouer du ukulélé, toi ? Moi non. Ah bon. Justement, c'est pour ça que c'est bizarre. Non, je pense qu'il veut juste se mettre à côté de toi et jouer du ukulélé, peut-être. Écoutez, pourquoi pas. C'est étrange. C'est étrange. C'est étrange, mais pourquoi pas dans un parc et t'arrives et tu joues du ukulélé, tu t'en vas. Pourquoi pas. Un dernier petit message qui est arrivé. Manu, t'as dit un gros mot, tu me donnes une pièce. Elle a raison. Bah ouais, t'as carrément raison. C'est ouais. ce qu'il faut faire. C'est ce que je fais avec mes enfants, moi. J'ai plus de sous d'ailleurs. Ça marche. 6h36, dans 3 minutes, c'est les sondages du matin qui arrivent. Juste après Eddy de Préto sur Énergie. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais, si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Virilité abusive. Virilité abusive. Tu seras viril, mon kid. Je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid. Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière en tous sens des fils raptaires et dopés de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité abusive. Virilité. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chibre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. 6h40, bon réveil sur LRJ, on va écouter Juice WRLD. Il a la voix de Sting quand même. Hein. Ah, c'est Sting, pardon. Ça arrive dans 3 minutes, juste après les sondages du matin, comme chaque jour. 16% des gens à travers le monde se sont déjà retrouvés aux urgences pour s'être coincé le doigt là-dedans. Ou qui c'est donc qu'ils ont mis le doigt? Dans une serrure. C'est pas dans une serrure. C'est un objet, hein? Oui, c'est un objet. Ouais, non, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas... C'est pas sûr. Non, ce n'est pas un être vivant. D'accord. Voilà. Comme okay. Ça, c'est clair. Okay. Ce n'est pas dans les fesses de quelqu'un. Voilà. C'est à quoi tu pensais? C'est oui, pas ça. Oui. Dans une porte? Dans une porte, non. Dans c'est plus petit qu'une porte. Un tout petit trou dans le mur. Un tout petit trou dans le mur? Ouais, pour voir ce qu'il y avait dedans, par exemple. Non. Dans un siphon. Ah, pas con, ah, mais ouais. Non. C'est un truc que t'as dans la maison ou à l'extérieur de la maison? Dans la maison. Ah. Une chaise pliante? Non, ah, oh, ça fait mal. Ça fait mal. Ah, ouais, ça fait mal. Ça a une utilité, vraiment? Ça sert à quelque chose, cet objet? Oui, absolument, ça sert à quelque chose, ça a une utilité. Tu toi... veux bien nous dire à quoi? Bah, ouais. Si je dis à quoi, c'est. Ouais. Ok, je vais vous dire à quoi. T'allais dire un truc. Non, ouais. je vais vous dire à quoi, ouais. Ça va donner un indice. Ouais. À piéger les souris. Ah, c'est donc un piège à souris. Voilà. Bah, vous voulez un indice, vous en avez eu un. Hein. Mais c'est vrai que c'est les mecs qui l'ont et qui font le test souvent pour voir si ça fonctionne. Est-ce que le piège à souris marche? C'est le mec qui va tester son fusil aussi. c'est le même. Hein. Non, moi, ça m'est arrivé. On jouait à taper du coup sans se faire mal. On jouait à essayer de le déclencher sans, avec mes potes sans se faire toucher. Et j'avais le doigt tout violet, je me suis fait taper. Ah, donc t'as perdu du coup, toi? Ouais, j'ai perdu au jeu. Ouais. D'accord. Tu parles du fusil ou du piège à souris? 6 femmes sur 10 sont persuadées que les hommes exagèrent à chaque fois sur ce sujet. Sur quel sujet d'après vous, Paulette? La somme de travail qu'ils ont. Non, c'est pas. Oh là là. Oh. Tu sais quoi, le regard que tu viens de m'envoyer là? Je crois que j'ai pas compris. Oh là là là. Isabelle, sur les choses à faire dans la journée, toute votre charge mentale, soi-disant, quoi. Non. Le temps non. passé à faire le ménage. Non plus. C'est la taille de quelque chose ou rien à voir. Leur performance sexuelle. Non plus. C'est par rapport à l'argent. Non. Ah, c'est marrant que vous trouviez pas. 6 femmes sur 10, comme c'est 60% ouais. des femmes, sont persuadées que les hommes exagèrent à chaque fois sur ce sujet. Ah, peut-être quand vous êtes malade, vous avez un peu de fièvre, vous exagérez toujours. C'est exactement ça. Ouais. Ah. Alors, je vous rappelle que vous pensez qu'on exagère, alors que non, on n'est pas aussi résistant à la douleur. Mais oui, c'est vrai. Mais il y a eu des études là-dessus. Ouais. Non, parce que c'est le virus, en fait, quand on est malade, ça nous attaque, nous, plus fort que vous. Ouais. Mais oui, mais oui. Ça, c'est scientifique, c'est prouvé. Mais oui, ça a été prouvé par des études. Ouais. Quand on a un rhume, on souffre vachement plus. Le rhume nous attaque beaucoup plus que vous. Bien sûr. Manu, pourquoi vous voulez pas juste avouer que vous êtes plus douillé que nous? C'est pas non, grave. Non, c'est pas ça. On est vachement. Ah, c'est quoi, il faudrait faire venir un glandu. Ouais. Inspecteur glandu. Ouais. C'est lui qui se tape toujours les trucs. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous trouver un médecin, un chercheur qui nous explique pourquoi on souffre plus, nous les hommes, que les femmes, quand on est malade? Bien sûr. Merci glandu. Ouais, Michel Simès, il doit le savoir, quoi. Michel Simès, il doit savoir. Tu vois, à un moment donné. Bim, Michel Simès, il faut qu'on l'ait au téléphone. Ok, on l'appelle. Bingo. Okay. Une personne sur trois ne les retient jamais. D'après vous, de quoi il s'agit? Bah, les dates d'anniversaire comme toi. C'est pas les dates d'anniversaire comme moi. Les prénoms comme toi. Les prénoms comme moi, c'est pas ça non plus. Les signes astrologiques comme toi. Non plus, bah qu'est-ce que j'ai voulu dire. Je vais tenter Paulette. Ça a à voir avec avec une autre personne qui est dans la maison. C'est hyper très précis. Attends, alors ce n'est pas non plus une personne sur trois ne les retient jamais. Ce n'est pas non plus les phrases. Ouais. Comme Paulette. La réponse était les numéros de téléphone. Ah bah oui. Une personne sur trois ne retient pas les numéros de téléphone. Honnêtement, j'en connais aucun. Bah oui, non, maintenant dans le téléphone, on a tous les numéros enregistrés, quoi. Ça sert à rien de les savoir. Bah voilà. Il y a des gens, ils retiennent même pas leur propre numéro. C'est improbable. Ouais, probable. Toi, tu le connais pas, ton numéro à toi? Si, je connais le numéro. Ah bah voilà. Je crois qu'elle te demande. Attendez, écoutez bien. Écoutez. Non, me laissez pas seul, c'est bon, allez, on termine. Écoutez, vous l'entendez? Oui. Mmh. Ouais. Le moment de solitude de Paulette. Ah, il est là. La Paulette. On le laisse tout seul. Je crois que le sac à mots de Paulette est vide. Voici Juice WRLD sur NRJ, 6h43, 7h50, on double votre salaire. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move a thing. Thinking of you in my bed. You were my everything. Thoughts of a wedding ring. Now I'm just better off dead. I'll do it over again. I didn't want it to end. I watch it blow in the wind. I should've listened to my friends. Leave this shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. You made my heart break. You made my heart ache. To the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier

Énergie, il est 6h53. À 7h05, on va doubler votre salaire. Il suffit de vous inscrire. Vous allez sur énergie.fr, manudans69.com ou sur l'application manudans69. Vous vous inscrivez, c'est gratuit, ça prend quelques secondes et c'est peut-être vous qu'on appelle dans un peu plus de 10 minutes pour doubler votre salaire. Oui. On va s'écouter Maître Gims, le pire. Oh non. Le pire. Le pire. Le pire. On pourrait faire ça pendant des heures. Mais non, on va pas pouvoir t'écouter des heures faire ça. Hein. Ok, d'accord, j'arrête. Ok. J'ai des infos politiques. Ah. Ok, bah alors, pourquoi pas. C'est quand même un peu l'info politique du jour. Il y en a certains qui ont déjà oublié parce que ça fait un peu longtemps. Normalement, si tout va bien, on devrait connaître la composition du nouvel gouvernement aujourd'hui. Enfin. Oh là là. Ça fait une semaine que nous attendons le remaniement du gouvernement. Ouais. Quel suspense. Tu m'étonnes. Ah oui. Ouais. Si ça se trouve, ils ont oublié. Ah, ben non. Bah, ils ont oublié qu'ils devaient faire un remaniement. Ah, oui. Après, c'est marrant parce que c'est quand même un truc. Tout le monde attend le remaniement, nous inclus, ouais. Pour en fait, honnêtement, être incapable dans deux jours de donner plus de deux noms de ministres. C'est vrai. On attend des noms qu'on va oublier. Ouais. Il y a la ministre des Sports, elle est arrivée il y a un mois. Elle doit flipper, elle. Hein. Si elle se fait remanier direct alors qu'elle vient d'arriver. Ah ouais, c'est vexant. Ouais. C'est un peu vexant. Alors, en déco, je vais. Ah bah non. Deuxième info politique. Attention, c'est surprenant, ça passe aux États-Unis. Mm. Une femme veut être élue maire dans une ville. Ouais. Mais cette femme est une femme politique le jour. Et on a découvert que la nuit, cette femme vendait sur un site en ligne des sous-vêtements utilisés. Mais non. De manière totalement anonyme, c'est une femme politique qui avait créé un site où elle vendait des sous-vêtements usagés, des sous-vêtements qu'elle avait utilisés pour des gens un peu fétichistes de ça. Eh ouais. Elle s'est fait gauler, on peut dire ça comme ça. Ouais. Et ça devient compliqué maintenant pour sa carrière politique. Ouais. La question c'est, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Parce que si elle a le droit. Ah bah si elle a le droit, elle fait ce qu'elle veut, cette dame. Ouais, c'est sa vie privée, ça. C'est une femme qui bosse peut-être beaucoup, mais effectivement, c'est compliqué si elle se plante à un moment donné, si elle sait plus où elle en est, quoi. Le problème, c'est que, mais comme dit Paulette, c'est sa vie privée, mais comme c'est une femme publique, oui, ça restera quand même, à chaque fois, même si elle est élue, la mère aux culottes usagées. C'est-à-dire qu'elle arrive à un meeting, t'as quand même 10 mecs dans la salle qui vont se lever et qui vont faire, c'est à vous. Eh oui, c'est compliqué. C'est pas crédible. 6h55, on revient tout de suite. Le pire. On va écouter Maître Gims et on double votre salaire à 7h05. Manu dans le 6-9. C'est rigolo. Tous les matins sur Énergie. Coé sur Énergie. Kate Middleton est toujours nickel, bien coiffée, bien habillée. Est-ce que vous savez pourquoi? Il met du spray dessus. La laque pour les vieilles, là. Il lui met de la laque pour les vieilles. Ah, la net. Oh. Même genre, à l'anglaise, il en net. Marrant, non? Ouais. D'ailleurs, son coiffeur l'a avoué, il adore la quéquette. La quéquette. C'est Coé, c'est à 17h. C'est sur Énergie. Leclerc. Chérie, réveille-toi. Avec des super pouvoirs d'achat Leclerc, 40% de réduction sur l'assortiment de 10 pains au lait et 8 pains au chocolat pastier. Mais quelle heure il est? L'heure du petit-déj. Du 16 au 20 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le paquet de 10 pains au lait plus 8 pains au chocolat pastier de 710 grammes avec 40% de réduction immédiate est à 1,58€ après réduction. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Dimitri est professeur d'université. Comme il habite loin de son travail, il a impérativement besoin de sa voiture. Mais aujourd'hui, elle a disparu. Voilà pourquoi chez GMF, si votre voiture est détruite ou volée dans les 4 ans suivant sa date d'acquisition, elle sera remboursée au prix d'achat. GMF, premier assureur des agents du service public. GMF, assurément humain. Et en ce moment chez GMF, 2 mois offerts la première année pour toute souscription d'un contrat d'assurance auto jusqu'au 30 novembre. Conditions de l'offre et du contrat Autopass sur gmf.fr ou en agence GMF. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, avec tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Jusqu'à 25% de remis sur une large sélection de fenêtres. Joyeux anniversaire. Jusqu'au 29 octobre, c'est l'anniversaire des prix bienfaits chez La Paire. Et on vous offre jusqu'à 25% de remise sur une large sélection de fenêtres. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Avec Canal+, le spectacle ne s'arrête jamais. En octobre, profitez des grands films de l'année. Au revoir là-haut, Justice League, Le Brio, Épouse-moi mon pote. Vivez les plus belles rencontres avec OM-PSG en Ligue 1 Conforama. Découvrez la toute nouvelle saison du Bureau des Légendes, la nouvelle série événement Castle Rock. Et vous n'avez encore rien vu. Canal+, est à partir de 19,90€ par mois et sans engagement. Rendez-vous sur boutique.canal.fr. Valable pour un abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone. Offre soumise à condition. Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Du 13 octobre au 10 novembre, offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles sur l'entretien, le financement et les roues complètes été ou hiver. Profitez de toute l'expertise et du savoir-faire Audi sur plus de 4000 modèles d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus, entrez dans l'univers Audi. Retrouvez le détail de ces offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Leclerc. Juliette, le 17 octobre. Ouais, bah quoi? C'est la sortie de Deadpool 2 en vidéo. Génial. Encore plus génial, 10 euros de réduction sur le Steelbook Blu-ray en édition spéciale Leclerc. Avec le porte-clés de Deadpool. Oh, je prends le porte-clés. On verra. Du 17 au 30 octobre, le Steelbook Blu-ray Deadpool 2, édition spéciale Leclerc, avec 10 euros de réduction immédiate, est à 24,99€. Disponible en ligne et en magasin, voire modalité et magasin participant sur www.culture.leclerc. Deadpool 2, le 17 octobre, dans mon salon. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 7h. Bonjour. On double votre salaire dans 5 minutes pile. On va écouter Maître Gims. C'est juste après les infos. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore une belle journée pour un large quart nord-est ce mardi. Du grand soleil de la Bourgogne au Grand Est en passant par les Hauts-de-France et les Alpes. Pour le reste du pays, ce sera un petit peu plus nuageux, c'est vrai, mais il y aura quand même de belles éclaircies. L'Aude est toujours en alerte rouge à cause des inondations. Sinon, toutes les autres alertes sont levées. Et les températures max toujours aussi douces. Cet après-midi, il fera 21 degrés à Bergerac, 23 à Dijon, comptez jusqu'à 23 aussi à Lille. Des images hallucinantes, celles du département donc de l'Aude en partie ravagées par les intempéries hier. Des routes coupées, voire effondrées, des poteaux électriques couchés, des voitures sur le toit, des zones entières de culture sous les eaux. L'état des lieux est catastrophique, mais le bilan humain est encore plus dramatique. 11 personnes ont été tuées, 2 autres sont portées disparues ce matin. Une procédure accélérée de catastrophe naturelle a été déclenchée pour permettre aux assurances de travailler plus vite. Et en parallèle, les associations, les ONG sont sur place pour venir en aide aux sinistrés. D'ailleurs, le Secours Populaire a besoin de nos dons. Vous pouvez faire un geste sur secourspopulaire.fr. Le Premier ministre présent sur place hier a mis entre parenthèses son programme initial pour aller à la rencontre des familles qui ont parfois tout perdu. Le remaniement gouvernemental prévu ce lundi devrait donc avoir lieu finalement aujourd'hui. Cette étude sur la santé psychologique des Français dévoilée aujourd'hui, le nombre de cas de dépression a fortement augmenté entre 2010 et 2017. Plus on est fragile et plus on a de risques de devenir dépressif. Les chômeurs, les étudiants, les jeunes aux faibles revenus et les femmes sont plus touchés que les autres. On parle de foot aujourd'hui. France-Allemagne ce soir à Saint-Denis, match officiel de Ligue des Nations à suivre à partir de 20h45. En principe, il n'y aura pas de maillot 2 étoiles en vente. Malgré tout, selon le Figaro, 170 000 exemplaires devraient être livrés d'ici Noël en France. Plus du double ont tout de même été précommandés. Un couple heureux, Harry et Meghan, ont déjà reçu des cadeaux de naissance. En voyage en Australie, des amoureux princiers britanniques ont officialisé la très bonne nouvelle hier. Ils attendent un bébé au printemps. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les Lego qui aient le droit de devenir des stars de ciné, les Playmobil, eux aussi, auront leur film, réalisé par le responsable de l'animation de La Reine des Neiges. Film qui sortira donc cet été, le 7 août. Leurs copains en briques, les Lego, seront eux de retour dès le mois de février sur nos écrans pour un quatrième long métrage. Pour lui, tout va bien. Après les concerts et le succès des derniers hits, on aurait pu penser que Black M en profiterait un petit peu pour prendre du temps pour lui. Eh bien, finalement, pas du tout. Le rappeur est en studio pour l'enregistrement de son troisième album. Il vient d'ailleurs de poster une photo sur Instagram, photo que vous retrouvez un petit peu partout sur les réseaux sociaux aussi ce matin. 7h02, c'est la fin de ce flash, bientôt 3, mardi 16 octobre. Bon réveil, bonne matinée, comme d'habitude, c'est Manu dans le 6-9 qui continue à cette heure-ci. Et nous, on se retrouve dans une toute petite demi-heure pour faire un nouveau point complet sur l'actu du jour. Bon réveil et bonne journée. Bonjour. Il est 7h03, on va s'écouter Maître Gims, ça arrive pour vous. Juste avant ça, on va doubler votre salaire. Oui. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle quelques secondes de ce que nous devons tous faire. Je vous rappelle que vendredi, nous avons eu au téléphone Ophélie qui est bibliothécaire. On lui avait doublé son salaire à 7h05 et on lui avait demandé, comme t'es bibliothécaire, quel est le livre par lequel on pourrait enfin recommencer à lire parce qu'on lit pas assez. Ouais. Elle nous a dit, commencez par Le Papillon des Étoiles de Bernard Werber. Tout à fait. Nous avons acheté ce week-end tous le livre de Bernard Werber, Le Papillon des Étoiles. Ouais. Est-ce que quelqu'un a commencé à le lire? Soyez honnête. Paulette. Oui, moi je suis à la 30e page, un truc comme ça. Oh, pas mal. Jordu. Moi je l'ai posé sur ma table de nuit. C'est déjà bien. C'est un bon début, non mais c'est vrai. Nico qui se tait, qui se cache. Ouais. On est d'accord que tu l'as pas ouvert. J'avais oublié le titre. Ça marche. Isabelle. Bah, j'ai pas trop eu le temps avec mes enfants, tout ça. Non, j'ai pas commencé. Avec mes enfants, tout ça, c'est la phrase qu'on entend le plus d'Isabelle depuis le début. Mais avec mes enfants, tout ça. Ils servent à tout, ces enfants. Dès qu'il y a un souci, c'est les enfants. Mais avec mes enfants, tout ça. Venez à la maison, vous verrez. Hein. Ouais, avec mes enfants, tout ça. Hein. Alors, c'est pas grave, on s'est donné 15 jours. Alors, moi, j'ai commencé hier à ouvrir. Et je me suis dit, allez, je vais lire la première page. Mm-hmm. Et je lis la première page et j'ai buggé parce que pour moi, il y a une faute d'orthographe. Arrête. Et je me suis dit, je vais pas lire un livre dans lequel il y a une faute d'orthographe. Alors, je vous lis sixième ligne du livre. La jeune femme au regard turquoise s'était octroyée une réputation de championne. Mm-hmm. Et octroyée, j'aurais mis et e. Elle s'était octroyée et e. Ouais. Il y a e accent aigu. Je me dis, mec, il fait pas des fautes d'orthographe, c'est pas possible. Ouais. Pourtant, ça me semble être une faute d'orthographe. Donc j'aimerais savoir si je continue à lire ce livre. Si vous êtes prof de français, s'il vous plaît, appelez-moi maintenant 0870 42 48 et venez nous dire si oui ou non c'est une faute de français. Et sinon t'arrêtes, on est d'accord? Bah, si c'est une faute de français, je vais pas lire quelqu'un qui fait une faute de français. Ben, voyons. Alors là non, je retiens de lire Closer. Non mais Closer, ils font aussi des fautes de français, mais dans le numéro d'après ils disent Erratum. Là j'attends que Bernard Werber sorte un nouveau livre, ils disent Erratum. Mais je ne sais pas si c'est une faute de français. Si vous êtes prof, appelez-nous 0870 42 48. Allez, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com pour vous inscrire. C'est ce qu'a fait Mathilde. Elle habite Fontenay-les-Louvets. C'est dans l'Orne. Elle touche 1 459 € chaque mois. Mathilde, on t'appelle pour te doubler ton salaire. Ça a décroché, j'ai l'impression. Bonjour, vous êtes bien en ferme. Ça n'a pas décroché, c'est le répondeur. On retente. Mathilde, ne nous déçois pas. Fontenay-les-Louvets dans l'Orne. S'il te plaît, décroche. Ça sent mal. Ouais. Mathilde ? Mathilde ! Oh. Allez. Allô ? Oh ! Mathilde ! Oui ? Je t'ai appelé il y a quelques secondes, t'étais sur répondeur. Non. Si ! C'est Mathilde ? Oui ? Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur la couille ! Oh la vache, c'est ça. Et voilà, Mathilde, ton salaire, je vais te le doubler. 1 459 € fois 2, ça va faire 2 918 €. Merci. Bah, je t'en prie. Mathilde est très polie. Hein. Ouais. Mathilde sait se contenir. Mathilde ne va pas hurler. Mathilde est bien. 2 918 €, ça arrive très vite pour toi. Il y a du monde derrière toi, j'ai l'impression. Oui, j'ai mes enfants. Ah, bah comme Isabelle. Oui, les enfants, tout ça. Alors tiens, on en parlait il y a quelques secondes. Isabelle n'arrête pas de nous dire tout le temps, ah ouais, mais j'ai pas eu le temps de faire ça à cause des enfants, tout ça, tout ça. Est-ce que toi aussi c'est pareil? Ouais, c'est un peu ça. Ah bah oui, merci Mathilde, en fait, de me soutenir. En fait, vous avez fait des enfants pour simplement trouver une excuse pour pas faire les trucs. Hein. Non, c'est juste qu'on s'en occupe, Manu, hein, effectivement. Ah, ok. Mathilde, tu es toiletteuse canin. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu fais les shampoings aux chiens, quoi. Ouais, c'est ça, et puis elle coupe des poils aussi. Ah ouais. Il y a les prénoms de chiens ridicules? C'est quoi, genre, le nom le plus ridicule que t'as entendu de chien? Je dirais pas ridicule, mais ce qui est marrant, des fois, ça peut être les prénoms qu'on donne aux chiens. Genre des prénoms d'humains qu'on donne aux chiens? Ouais, voilà, j'ai par exemple Sophie, ou Zoé, ou même Hugo. Oui, après, Après Mathilde, oui, c'est un peu surprenant, mais c'est pas bizarre. Le truc bizarre, c'est si tu donnes à un humain un nom d'un chien. Ouais, c'est ça. Médor, on peut boire un verre. C'est gênant. Là, c'est chelou. Mathilde, on double ton salaire. 2918 euros, ça arrive très vite pour toi. Merci beaucoup. Merci. 7h18, ça peut. 7h08, pardon, ça peut vous arriver à vous aussi, il suffit de vous inscrire. Energie.fr ou Manu dans le 69.com. Maître Gims, tout de suite pour vous. Bon réveil. Le pire, c'est pas la pire. Oh non. Ah non. Excusez-moi, pardon, j'ai sabordé la chanson. Ah ouais. Je le laisse chanter. Le pire, c'est pas la méchance des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Et explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans, assombrir ma vision. Pourtant le soleil est présent, les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons? Stop. Et en effet, le mal est fait, mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télévision, obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge des sens. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. Je suis peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons. Bienvenue sur Énergie, on va écouter Calvin Harris, le titre qui nous fait penser qu'on est smart, le titre qui nous fait penser qu'on est en costume de James Bond, ou en costume de mec des pompes funèbres. Non. Chacun son truc. Bon bref, en blanc et noir quoi. Ouais. Avant d'écouter Calvin Harris, attention, nous allons peut-être connaître la vérité, je l'espère en tout cas. Rappel des faits, hier nous avons, vendredi, nous avons doublé le salaire d'Ophélie, qui est bibliothécaire, qui nous a conseillé de lire un livre pour qu'on se remette à la lecture, qui est Le papillon des étoiles de Bernard Werber. Ouais. On l'a tous acheté pendant le week-end, on a commencé à lire hier. Okay, ouais. c'est notre défi, c'est notre challenge. C'est ça. À la sixième ligne, pour moi, il y a une faute d'orthographe. J'aimerais savoir si c'est une faute d'orthographe. Et à ce moment-là, je dis non, je ne le lirai pas, par rébellion. Ou alors, c'est moi qui suis vraiment mauvais en orthographe et c'est pas une faute d'orthographe. Ouais. Du coup, je vous ai demandé si vous êtes prof de français de nous appeler pour nous dire. Nous avons Gwenaëlle. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Salut à tous. Salut. Bonjour à toi Gwenaëlle. Tu es prof de français? Ouais, je suis prof de français grec et latin en plus. Wow. Oh, mais attends. Oh la classe. Ah ouais, la classe. Mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas, je savais pas quoi faire d'autre. Et du coup, je peux répondre à ta question Manu. Ah cool. Ah. Mais avant, tu vas devoir me réciter l'alphabet grec. C'est parti. C'est vrai? Ouais, vas-y. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Puis après, je sais plus, là, je suis trop troublée. C'est bien déjà. Gwenaëlle, t'es sûre que t'es prof de français? Mais oui, bien sûr, hein, ça va. Ah, ouais, ça va. Bah, toi, et quand les élèves ils disent oh, ça va, tu leur mets un 2, bah, je te mets un 2. Gwenaëlle, alors je te lis la phrase et tu me dis si oui ou non il y a une faute. Oui, d'accord, ça marche, vas-y Maniche. La jeune femme au regard turquoise s'était octroyée une réputation de championne en remportant deux fois de suite le tour du monde à la voile en solitaire. Une épreuve. On peut s'arrêter là, hein, on peut s'arrêter là. Ah, ok. Bon, d'accord. Ma question c'est c'était octroyée. Pour moi, j'aurais mis et eux. Ouais, oui. C'est le verbe être. Bah non, Manu, je pense que t'as pas du tout écouté les cours français au collège, en fait. Voilà. Parce qu'il y a un accord avec le participe passé, le COD, tout ça, ça te dit un truc. Ben oui, mais c'est le verbe avoir, ça. Oui, mais en fait, quand c'est un verbe pronominal, comme c'est le cas ici, c'était octroyé, faut que tu fasses comme si c'était avoir. Alors vas-y, essaye avec avoir. Avait octroyé quoi? Une réputation. Voilà, c'est placé où? Après. Voilà, donc t'accordes pas. Oh donc non. Tu peux continuer à aller en ligne, madame, je peux aller aux toilettes, madame. madame, j'ai mal au ventre, je peux aller à l'infirmerie. Ça a marché avec Paulette, le coup du mal au ventre. J'essaye moi aussi. Désolé, il va falloir revoir tes accords, Manu. Hein. Bon, du coup, on est obligé de continuer à lire le livre. Là, il faut y aller, Manu, désolé. On va passer notre temps à chercher une nouvelle faute. On va le lire. Je suis là, aucun problème. Gwenaëlle, tu es notre prof de français officielle de l'émission. Ah ouais. Je suis trop heureuse. Et même en latin et en grec, vous pourriez y aller, vous pouvez me demander plein de racines pour une fois. Je la coupe là. N'en fais pas trop là. Les élèves, ils doivent être fatigués quoi, au bout d'une heure de cours avec Gwenaëlle. Mais vas-y, ils sont trop contents, ils regardent des films Gladiator 300, ils sont à fond. Non, c'est vraiment bien. C'est pas mal ça. Non, c'est vraiment bien le latin et le grec. Ouais. C'est bien connu, hein. C'est vraiment tous les gens, à chaque fois tu leur dis tu veux voir un match de foot ou faire du grec. Oh, du grec. On t'embrasse, Gwenaëlle. Merci beaucoup de nous avoir appelé. Bonne journée à tous. Salut les Wawans. Ciao, ciao. Gros bisous, Gwenaëlle. 7h15. C'est marrant, moi, mes profs à moi, c'était pas comme ça. Ah, ouais, hein. Ouais, super. Ouais. Kevin Harris arrive. C'est dans 3 minutes sur NRJ. Bon réveil. Manu dans le 6-9. Voilà qui voit, inspecteur Manu. Tu. Sur NRJ. Causando impresión, cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura. Mí como las olas del mar. Ven hacia mí, que ya no puedo parar. Ven hacia mí, como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura, mi cintura, cintura. Bonjour, c'est Michel Simès. Et maintenant, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et Michel Simès, il est à la télé ce soir dans une émission qui s'appelle Aventure de médecine. C'est sur France 2 et il retrace l'histoire de la sexualité. Waouh. Et attention, il ne va pas hésiter. Je lis ce qu'il y a dans le résumé. Hein. Ouais. Il ne va pas hésiter à aborder des sujets délicats. Il s'intéresse aux troubles de l'érection qui concernent 3 millions de Français. Ah oui, 3 millions. On est autant. Aïe. Pardon. Ils sont autant. Bon. 7h19, on enchaîne, voici l'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. Du zizi au sein, il n'y a qu'un pas que je franchis maintenant. D'accord. Classe. Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, appelle aujourd'hui une dame pour lui proposer une opération d'agrandissement mammaire. Oh là là. Mais elle n'en a pas besoin. Mmh. Et elle s'énerve un peu et ça donne ça. Allô ? Bonjour. Oui, je vous écoute. Ceci est un message automatique. Oui. Notre cabinet de chirurgie esthétique a bien validé votre opération pour augmenter votre poitrine. Vous parlez de quoi, là ? Votre demande concerne une augmentation pour passer au 115D. Mais vous demandez qui, là ? Demande validée. Mais non, mais madame, je n'ai pas demandé une augmentation. Ma mère, je vous demande le numéro, le nom de la personne que vous recherchez. Nous vous félicitons pour votre choix. Non, je ne veux pas, madame. Nous avons hâte de vous accueillir demain après-midi. Mais madame, écoutez, ce n'est pas moi. Enfin, je n'ai pas demandé d'augmentation. Ma mère, qu'est-ce que c'est de cette histoire ? Opération ma mère, annulée. Voilà. Nous la remplaçons par une liposuction. Oh, oh non. Excusez-moi, mais elle n'est jamais contente. Hein. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Il est 7h20, on va écouter Calvin Harris. Et juste après, nous allons parler du supermarché. Ah oui ? Nous allons tous au supermarché et on fait tous des choses. Parfois bien, mais parfois pas bien du tout. Et je vais vous le dire. Oui, c'est dans 3 minutes, vous restez là. Okay. Okay. Alors, merci de m'avoir écouté. C'est juste après Calvin Harris. Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. bienvenue sur Énergie. 7h24, on va écouter Labrine Tessia. Et juste après les infos de 7h30, nous allons parler de nos dilemmes du moment. Ah ouais. Quel est votre dilemme du moment? On a tous dans notre vie, chaque jour, des choix à faire, des choses à décider. Ah bah oui. Quelle est la décision que vous voulez prendre? Quel est le choix que vous avez à faire? Le dilemme de votre moment. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Avant ça, on parle supermarché. Ah. Allez. J'ai trouvé sur internet une liste des choses qu'on fait au supermarché. Et là vous dites, mais comment il a trouvé ça? Et bien ça, ça ne vous regarde pas. Je ne vous donnerai jamais l'historique de navigation, car sinon je peux aller en prison. Alors, oh non. Voici la liste des choses qu'on fait au supermarché. Arriver à la fermeture et dire qu'on en a que pour une seconde, c'est promis. Ah ouais, ah ouais. La classique. Quand ils ont fermé la porte et tu tapes au carreau en disant s'il vous plaît, t'as trop envie de rentrer. Et là, les gens passent devant toi, ils ont pauvre type. Dans les choses qu'on fait au supermarché, il y a aussi dissimuler au maximum le papier toilette sous le bras en allant aux caisses. Ça. Mais alors, clairement, voilà, je le fais. Je mets en fait, je pose sur le tapis le papier toilette et je l'entoure de tout. Ouais. Oui. Voilà, mais évidemment, forcément, à un moment, il va se voir, mais le moins possible. Ouais. Mais souvent, en plus, t'achètes des trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Tu mets des piles, une ampoule, un truc. Ah oui, mais une couverture pour mettre par-dessus. Ouais. Vraiment. Mais je comprends pas, il n'y a aucun mal à acheter ça. Je comprends pas ce blocage. On est tous pareils. Oui. Arrêtez, vous êtes plus des enfants quand même. Non, mais j'ai pas envie. Et il y a un truc psychologique. Tu veux mettre même un petit paquet de chewing-gum par-dessus, mais tu n'achèterais pas tout seul un rouleau. Ouais. Tu ne vas pas au supermarché. Marché uniquement pour acheter du PQ. Tu l'achètes comme ça. Ouais. C'est ça. Tu voulais aller au supermarché pour acheter les chewing-gums. Ouais. Et comme par hasard, il y avait du PQ qui te plaisait et tu l'as pris. Voilà, c'est uniquement ça. Vous vous compliquez la vie, hein, mais c'est pas grave. Peut-être un peu. Dans les petites habitudes au supermarché qu'on a, il y a aussi oublier pour la 56e fois ses sacs plastiques et en racheter encore un. Voilà. Oh là là. Ah ouais, et à la fin, on fait une collection dans le coffre de la voiture. Ouais. Hein. Il y a une économie parallèle là-dessus. Hein. C'est que le mec qui a créé et qui invente aujourd'hui les sacs plastiques, il les fait. Il est multimilliardaire, hein, je pense. Ah, mais évidemment, on l'utilise jamais. C'est pour ça que tout le monde devrait avoir un caddie. Parce qu'à partir du moment où tu passes au caddie, tu l'oublies pas, le caddie. Il est tellement gros, il est dans l'entrée, tu le prends. Paulette veut nous parler de son caddie qu'elle a acheté il y a pas longtemps. Ouais. L'aime trop. Ouais, trop pratique. Trop vieux surtout. Dans les petites habitudes au supermarché, il y a aussi se promettre qu'on ne fera plus les courses le samedi et recommencer le samedi d'après. Ah ouais, c'est vrai. Il y a tâter les fruits et légumes comme un spécialiste. Évidemment, hein, ça, t'es là, c'est toi qui sais comment prendre un melon. Ouais. Hein. Tu le prends, tu le sens, celui-là il est bon, et ensuite tu le coupes chez toi, il est dégueulasse, et tu fais, c'est pas moi qui l'ai choisi. Changer de filet à la caisse pour gagner du temps, même si cette technique ne marche jamais. Ouais, jamais. On le fait tous au supermarché. Et un petit dernier, ne plus se souvenir d'où on a garé sa voiture. Oh là là, et tu fais le tour du parking avec ton caddie. Et toi, t'as la bonne technique, tu prends en photo à chaque fois. Quoi. Ça, c'est mon truc, maintenant c'est terminé. Ça, c'est bon. Je prends la photo de la place. Ouais. Sur mon téléphone, j'ai plus de photos de place de parking que de ma fille. Mettez cette phrase sur ma tombe, s'il vous plaît. Ah 7h27. On va écouter Labrine Tessia. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. À tout de suite. 6h, 9h30. C'est Manu dans le 6-9. Allez, Manu sur Énergie. Faux star préféré. Reviennent tout à calme. Le 10 novembre. Pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Les Energy Music Awards 2018 avec Laser Game Evolution, créateur français du jeu 100% laser. Laser Game, c'est nous. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Réglez votre chauffage avec votre plus belle voix. Découvrez Soui, le seul fournisseur d'énergie avec une station connectée à commande vocale pour piloter votre chauffage. Soui est un fournisseur de gaz naturel, d'électricité verte et une filiale d'EDF. Critères d'éligibilité et conditions sur soui.fr. Soui s'engage à ce qu'il y ait autant d'élec renouvelables que d'élec consommés injectés dans le réseau. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Après la fermeture, dans une agence Profil Plus. Madame Dumas voulait s'offrir les pneus Michelin Cross Climate Plus, élu produit de l'année. Parfait pour affronter toutes les conditions climatiques. Oui, mais elle m'a aussi dit qu'elle partait au sport d'hiver. Alors je lui ai conseillé les nouveaux pneus Michelin Alpin 6. Bien vu, un pneu hiver sera bien plus performant, surtout en montagne. Et toujours par 4 les pneus hiver, hein. Bah oui, je lui ai expliqué pourquoi. Elle l'avait déjà lu sur profilplus.fr. En ce moment, chez Profil Plus, obtenez jusqu'à 100€ pour l'achat de pneus Michelin hiver ou Cross Climate. Profil Plus, demandez plus à vos pneus. Conditions sur profilplus.fr. Soco.

jours. Certains magasins d'ailleurs envisagent d'ouvrir dès la nuit de jeudi à vendredi. Avis maintenant à tous ceux qui vivent près de la montagne, des pneus neige devraient être obligatoires maintenant. Un décret en tout cas sera pris assez prochainement. Il reste encore à définir une chose précisément, en tout cas les zones géographiques. Il faudra donc chausser 4 pneus hiver tous les ans du 1er novembre au 31 mars. Un classique, la France qui rencontre l'Allemagne, c'est toujours un événement. Les deux derniers pays champions du monde s'affrontent ce soir à Saint-Denis dans le cadre de la Ligue des Nations. Coup d'envoi 20h45 avec sans doute Kanté, Matuidi, Griezmann et Mbappé dans le 11 de départ côté bleu. Cash et sans filtre, les titres décomplexés de Thérapie Taxi ont rassemblé les fans et les curieux tout l'été sur les festivals. Maintenant, le groupe parisien enchaîne avec une tournée quasi complète partout en France avec énergie. Le stress est au rendez-vous pour Raph, Renaud et Adé. La pression n'est pas la même quand il s'agit d'être seul à l'affiche. Ça change en termes de nombre de personnes présentes. Après, on va quand même faire à peu près le même show. Hein. Là, on sort d'une résidence. Non, mais il change parce qu'on a fait le choix aussi de changer des trucs. Du coup, on a toute une installation lumière. On a vraiment upgradé le tout. Ça va chier. C'est pas la même pression aussi. C'est un peu plus chill quand tu fais tes salles à toi. Les gens ont payé pour venir te voir. Il n'y a pas la pression que tu peux avoir sur des gros festoches où il y a plein de curieux qui se disent qu'est-ce que ça vaut sur scène. Les conditions sont moins chaotiques. Le festival, c'est la course, quoi. Tout le temps, il faut faire ci, ça, courir partout. Alors que quand t'es dans ta salle, t'es confort pour la journée, quoi. Donc, c'est cool. Bon, l'interview signée Sébastien Loflecoq, Thérapie Taxi, a retrouvé aussi le 16 novembre pour la réédition de leur album It's All. 7h35, c'est la fin de ce flash. On est 16 octobre. Bon réveil. Bonne matinée avec Manu dans le 6-9. Sur énergie. On est avec vous comme chaque matin et dans 5 minutes, juste après la Brine Tessia, on va vous offrir la console de jeu de votre choix. Ouais. Vous nous appelez maintenant 0870 42 48. On joue au jeu des 5 mots, le meilleur jeu radio du monde. Ça arrive dans 3 minutes. Avant ça, on parle des dilemmes. Oui. Je vous ai demandé de nous appeler aussi au même numéro, parce que si on avait plusieurs numéros, ça foutrait le bordel. Oui. 0870 42 48. Je rappelle qu'il est gratuit ce numéro. Pour nous dire quel est votre dilemme du moment. Tous les jours, on a des choix à faire. On les fait rapidement, sans réfléchir. Et parfois, il y a des choix plus importants que d'autres à faire. Parfois, il y a des choix de merde. Hein. quel est votre choix du jour? Il peut être gros, il peut être petit. Quel est votre dilemme du moment? En attendant vos appels, on fait le tour du studio. Nico. J'ai un gros dilemme avec ma femme, là. Ah. On reste ou pas? Non, c'est autre chose, c'est autre chose. C'est sur la déco. J'ai parlé de moi. Ah. Avec ta femme. Ça devient gênant. On doit changer de canapé. Ah. Et du coup, on sait pas si on prend un canapé classique ou un canapé d'angle. Mec. Ouais. Welcome. De. Dans le même dilemme que j'ai en ce moment. Je vous rappelle que je suis séparé. Donc quand tu te sépares, on avait acheté des meubles, etc. Voilà, il y a des canapés qui vont à droite, à gauche. Je dois retrouver un canapé. C'est pas évident. Et je suis exactement dans le même choix. Ah ouais. Il y a des jours, je me dis canapé d'angle. Bah forcément. Et le lendemain, je fais non, ce sera pas beau. Je suis vraiment emmerdé. Mais je suis pas bien, j'ai pas la solution, quoi. Ah, mais moi non plus. Ah, mais canapé d'angle, c'est vachement confortable. Tu travailles allongé et tout, t'es bien. Méga. Ouais, mais je sais qu'on va s'engueuler pour qui a l'angle ou pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Alors, moi, c'est pas le problème, parce que comme je suis seul. Ouais. Mais moi, le truc, c'est une fois que je suis allongé, est-ce que je vais pas devoir trop tourner la tête pour regarder la télé? Eh ouais, ouais. Par exemple. Oh, c'est nul. Est-ce que je pourrais jouer aux jeux vidéo allongé? Voilà, j'ai des vrais. C'est compliqué, cette histoire de canapé d'angle. Ouais. Bon problème. La vraie question, c'est est-ce que tu veux inviter beaucoup de gens chez toi? Est-ce que tu veux faire des soirées, des trucs comme ça? Le canapé d'angle, à ce moment-là, s'impose dans ta vie. Ah non, pourquoi? Bah, parce que c'est plus sympa pour inviter des gens, un canapé d'angle. Bah, tu peux prendre deux canapés. Ouais. À ce moment-là, c'est un canapé d'angle. Quoi. Bah, le canapé d'angle, l'avantage, c'est que t'as un côté où tu t'assieds et de l'autre, c'est tu t'allonges. Ouais. La méridienne, ouais. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. T'achètes un pouf à part que tu mets au bout du canapé, que tu déplaces selon tes envies. Bah, à ce moment-là, t'achètes pas de canapé, t'achètes trois chaises, un pouf. Et tu mets un matelas dessus, hein. Voilà. Et ça te fait le canapé. Quel est votre dilemme du moment? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Paulette. Mon dilemme du moment, c'est savoir si je pars en week-end avec mes copines, genre gros week-end de fête, ou alors gros week-end chez mon père, mais de repos, il me fait à manger, il s'occupe de moi. Ah, ça, je viens de recevoir un SMS de ton père. Ouais. Pars avec tes copines. Non, mais c'est dur. Il insiste, il m'aime trop, ok. Mais oui, non, Paulette, prends du temps avec ton papa, c'est bien. Ouais, tu vois, c'est sympa, vous allez vous reposer. Et puis, ouais. Non, mais c'est parce que c'est chouette. Ouais. Parce que les copines, c'est bien, tu les vois beaucoup tous les week-ends. Là, peut-être comme ça, tu te reposes, tu reprends des forces et lundi. Ouais. Ah, mais quand je vais voir les photos sur Instagram de mes copines. Non, mais... Ouais. C'est vrai que c'est rare que ton père il mette des photos de lui en soirée. Enfin, t'es pas abonné à son compte spécial. 7h38, quel est votre dilemme du moment? Vous pouvez nous appeler 0 870 42 48. On joue au jeu des 5 mots juste après Labrinthe avec Sia. Sur Énergie, 7h42, on va écouter Dadju. Ça s'appelle Yon et ça arrive pour vous dans 3 minutes. Mais avant ça, nous allons jouer au meilleur jeu radio du monde. Attention, David, bonjour. Bonjour Manu, bonjour avec moi. Salut. J'ai un cousin qui s'appelle David, c'est pas toi? Non, c'est pas moi, okay. J'aimerais bien, mais non, c'est pas moi. Ok, on sait pas, je tente hein. J'ai un ex qui s'appelle David, c'est pas toi? C'est pas moi non plus, non, je pense pas. J'ai mon dentiste qui s'appelle David, c'est pas toi? Non plus, non. Ah bon? On s'est trompé, David, on va prendre quelqu'un d'autre. David, on va jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde, c'est le jeu des 5 mots. Pour cela, quelqu'un va tout faire pour te faire gagner. Et cette personne, c'est Isabelle qui sort maintenant du studio. D'accord. Attention, les règles Isabelle, sont simples. Isabelle, je compte sur toi. Alors, elle ne t'entend pas parce qu'elle est partie dans le couloir. D'accord. Elle est dans le couloir, elle est dehors, elle n'entend plus ce qui se passe. David, je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient en tête. Ensuite, Isabelle revient. Je fais pareil avec elle. Et si vous avez une réponse en commun, il suffit d'une seule. Eh bien, c'est gagné. David, d'accord. Avant de jouer, est-ce que tu as un mot à dire? Non, je suis prêt, c'est tout. Je suis à fond. David, c'est parti. Je te mets pas la pression, mais tu joues pour la console de jeu de ton choix, c'est-à-dire PS4 Pro. David, c'est parti. Bonne chance à toi. Merci. Résidence. Maison. Patrick. Sébastien. Installation. Électrique. Évolution. Temps. Qualité. Bonne. Ouais, à la fin, t'avais envie de partir en fait. Hein. T'avais envie de faire pipi, et tu t'es dit bon, allez, je donne un mot au hasard, on y va. Je voulais apprêter. Attention, on ne t'entend pas, les micros, ton micro était fermé. Tu disais quoi, Isabelle ? On va gagner. D'accord. J'espère, je compte pour toi. Attention, Isabelle est de retour dans le studio. Une réponse en commun avec David et c'est gagner la console de jeu de son choix, la PS4 Pro, elle arrive chez lui. Attention, c'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Résidence. Maison. Oh, wow. Voilà. Ah, je suis contente. Vous savez quoi, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. La semaine dernière, grosse galère pour gagner. Cette semaine, deux jours de suite, premier mot. Voilà. C'est là. Wow. Ah, il y a un truc. Alors, les quatre mots. Je comptais. Sur les premiers parce que la fin, je l'attendais pas. Attends. Attends, on va voir David. Les quatre mots suivants. Patrick. Bruel. Il avait dit Sébastien, chacun son truc. Installation. Organisation. Voilà. Oui, là, t'as lâché la rampe. Il est dur celui-là. Oh là là. Installation non électrique. Ah ouais, tiens, c'est vrai. Évolution. Homme. Il avait dit temps. Ouais. Et enfin, qualité. Défaut. David avait dit bonne. Mais David. David, on avait marre à la fin. On a eu chaud, David, hein, quand même, là. Ouais, on a eu chaud, franchement, oui. David, tu repars avec ta PS4 Pro. Une seule bonne réponse suffit pour gagner au jeu des 5 mots. Bravo à toi. Ah, merci à vous, hein. Merci beaucoup. Hein. Franchement, vous déchirez, continuez comme ça. Hein. Bah, on va essayer. Et David, tu peux faire un truc pour moi ? Oui. Arrête de dire un à chaque fin de phrase. Ok, ça marche, j'y penserai. À chaque fois que je dirai ça, je penserai à vous. Merci. On te souhaite une belle journée, David. Bravo à toi, la PS4 Pro arrive très vite. D'accord, merci à vous et bonne journée. À bientôt. Ah, il l'a dit, hein. Ah, il l'a dit. Ciao David, 7h46, on s'écoute Dadju et juste après on parle de nos dilemmes du moment. Quel est votre dilemme du moment, le choix que vous avez à faire aujourd'hui? Il peut être tout petit, il peut être énorme. Quel est-il? Vous nous le racontez juste après Dadju. C'est Lyon sur Énergie. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Tu peux lire sous ses paupières déterminée. Elle agit, elle ne part pas, y en a pas. Mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Très bien comment gérer sa vie. Charismatique, elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. réveil sur Énergie, il est 7h40. Vous ne le saurez jamais. J'ai bugué. Je voulais dire 7h49. Later, bitches. On va écouter The Prince Karma, ça arrive dans 3 minutes. Et avant ça, on partage nos dilemmes du moment. Quel est votre dilemme du moment? Il peut être tout petit, il peut être très gros. 0870 42 48. On a Coralie qui est là. Bonjour Coralie. Bonjour Manu, bonjour les Wouah. Salut. Bienvenue sur Énergie. Quel est ton dilemme du jour? Alors mon dilemme, moi samedi j'ai un anniversaire et je sais pas quoi faire. Est-ce que je participe au pot commun ou est-ce que je fais un cadeau personnalisé? C'est une très... C'est une très bonne copine ou une copine? C'est une copine, ouais, normale. Copine normale. Ah ouais. Moi, dans ces cas-là, si c'est une copine normale et qu'il y a un pot commun qui est organisé, j'avoue que je me décharge de la responsabilité du cadeau et je vais, je vais dans le pot commun. Ouais. En plus, le cadeau personnalisé, il est toujours moins bien. Donc ton ami, il va s'en servir 3 jours et après, il va passer à autre chose. Mais bon, la cagnotte, il est cool, le cadeau. Quoi. Non, mais le cadeau de la cagnotte, forcément, il sera plus gros, quoi. Ah ouais, c'est ça. Il se met... Ou alors tu fais très fort et tu fais un cadeau personnalisé plus cher que la cagnotte. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi Manu, parce qu'en fait le pot commun, elle va dire ah ben mes potes m'ont offert ça et elle, elle m'a offert ça en plus. Ouais, et elle se rappellera de cette petite attention. Elle va dire ah ouais, alors il y a Coralie, elle m'a offert ce truc là pour mettre les photos. Ouais. Sinon mes amis m'ont offert une moto. Ah ouais, c'est ça en fait. Mais en gros, c'est ça le problème. Moi, je serais toi, Coralie, honnêtement, discreto, je suis dans le pot commun. Et puis voilà, tu rajouteras que c'est, tu lui glisses à l'oreille que c'est toi qui as eu l'idée du cadeau. C'est dingue. Après, le truc qu'a déjà fait Glandu une fois, hein, c'est que tu signes la carte sans avoir mis d'argent. Ah, je l'ai déjà fait ça. Oh, ça, c'est pas beau. Pas... J'avais racheté mon nom au stylo alors que c'était des noms à l'imprimante. Du coup, je m'étais fait cramer. C'était pas très malin. Merci de nous avoir appelé, Coralie. Quel est votre dilemme du moment? Bah, tiens, Glandu. Moi, j'ai un dilemme vacances de Noël. C'est est-ce que je mets 170 euros dans des billets de train pour les vacances de Noël ou est-ce que je fais du covoiturage? T'en as pour combien de temps? De train? Bah, en train, non, c'est. Non, de voiture. Ah, de voiture, c'est loin, c'est 5-6 heures et en train, c'est 2h30, 3h. Quoi. Non, c'est pas pour toi que je, c'est pas toi que je pense, c'est au mec qui va devoir conduire. J'ai le statut d'ambassadeur sur BlaBlaCar. Ah ouais, je suis un covoiturant adoré, les gens m'adorent. Non, mais t'as le statut d'ambassadeur sur BlaBlaCar parce qu'ils veulent que tu sois ambassadeur dans d'autres pays. Mais non. Mélissa, bonjour. Oui, salut Manu, salut les Wouah. Bienvenue moi, sur Énergie. Ah bah d'accord, vas-y, démarre. Quel est ton dilemme? Moi, bah parce que le dilemme, il est assez grand et imposant. J'ai une amie qui est vraiment très intéressée par le frigo que je vends et j'hésite entre lui donner ou me faire un peu d'argent sur le bon coin. Bah, ah. Tu, alors, sur le bon coin, tu le mettrais à combien? Bah, il vaut bien encore 300 euros, quoi. Ah ouais. Bah, c'est un frigo américain. Alors, ça aurait été, tu m'aurais dit 30 euros par exemple, ou même jusqu'à 100 euros, 300 euros, là c'est compliqué. Bah, je suis désolé, mais un truc à 300 balles, tu le donnes pas à une amie. Hein. À la limite, tu lui fais un petit prix, mais tu lui vends quand même. Mais, ouais, mais c'est une amie. C'est une amie, c'est pas une copine. Ouais, mais moi même mon frère. Hein, ouais. Et si tu lui dis 100 euros alors? Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est... mais bon, quand même quoi, je voudrais me faire un peu d'argent aussi, donc voilà, c'est ça le dilemme. On a bien compris. Moi, je pense que si c'est une bonne amie à toi, d'elle-même, elle va te donner un peu de sous. Tu vois, tout simplement, tu lui donnes, par amitié, et puis elle va te filer un peu d'argent. Le truc, c'est que tu lui dis, je te le donne, et comme c'est une bonne amie, elle va te donner de l'argent. Si elle te donne pas d'argent, tu la redescends au statut de copine. Et en plus, tu t'es fait niquer d'un frigo. Bonne journée, Mélissa. Isabelle, ton dilemme, t'as pas dit? Oh là là, si, ouais, mais moi, c'est énorme. En fait, j'ai vraiment, vraiment envie de changer de tête. Tiens, de dévisser ta tête et d'en mettre une autre. Non, mais vraiment, tu vois, j'ai les cheveux mi-longs frisés et en fait, j'ai envie de les couper hyper courts et qu'on voit ma nuque. J'ai vraiment envie. Hyper court, genre la, pas la boule à zéro, mais genre un centimètre ou hyper court, un carré? Non, plutôt un petit carré quand même, mais qu'on voit ma nuque, tu vois, vraiment très court. Qu'est-ce qu'elle a, ta nuque? Je sais pas, j'ai envie de la montrer. Okay. J'ai une très belle nuque. Ça dirait de voir ma nuque. Attends, je passe chez le coiffeur. Depuis le début de l'année, je me dis qu'il faut qu'elle ait un carré, Isabelle. J'ai envie de t'accompagner, j'ai envie de t'emmener chez mon coiffeur. Oula. Allez hop. Non, mais en même temps, j'ai hyper peur. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. Non, mais t'as dit allez hop, tu le fais? Mais ça m'a donné envie, puis d'un coup, tu vois, tout de suite, je me suis dit non, mais j'ai trop peur. La légende dit qu'une femme qui change de coupe de cheveux change de vie. Ouais. Ah bon? Allez, vas-y, va couper les cheveux. Allez, tu sais quoi? T'as le petit.

Salut, moi c'est Lucas, Lucas Houtchou, je suis fan de pneumatiques et pas qu'un pneu, hein. J'en ai toute une collection. Alors quand j'ai su qu'en ce moment chez Citroën, ils mettaient la gomme sur les petits prix, en proposant le deuxième pneu toute marque à 50%, eh bien je suis parti sur les chapeaux de roue en profiter. Ça oui, des pneus toute marque à 50%, moi, Lucas Houtchou, je dis que c'est une offre super gonflée. Pff, d'ailleurs, j'y retourne. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 20 octobre sur l'achat de pneumatiques dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 8h qu'on amène le coq. On est à l'heure. Énergie. On va doubler votre salaire dans 3 minutes. Ce sera juste après les infos et on va écouter le dernier Aya Nakamura. L'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Encore une très belle journée pour un large quart nord-est ce mardi, du grand soleil de la Bourgogne au Grand Est en passant par les Hauts-de-France et les Alpes. Pour le reste du pays, ce sera un petit peu plus nuageux, mais il y aura quand même de belles éclaircies. L'Aude est toujours en alerte rouge à cause des inondations. Sinon, les autres vigilances sont levées ce matin. Les températures max toujours aussi douces. Cet après-midi, il fera par exemple 21 degrés à Bergerac, 23 à Dijon, 23 à Lille. Plutôt étonnant pour un mardi 16 octobre. 3 ou 4 mois de pluie en seulement quelques heures, c'était beaucoup trop pour le département de l'Aude. Dévasté littéralement par des crues historiques hier. Selon le dernier bilan provisoire, 11 personnes sont mortes, 3 autres restent portées disparues. Certains cours d'eau sont passés de quelques centimètres à plus de 7 mètres autour de Carcassonne. De nombreuses routes ont été coupées, des habitants élitreuillés pour échapper au pire. Maintenant, il faut donc aussi évaluer l'ampleur des dégâts. Une procédure accélérée de catastrophe naturelle a été déclenchée pour permettre aux assurances de travailler plus vite. Dans ce contexte d'urgence, le Secours Populaire lance un appel aux dons pour venir en aide aux sinistrés. Secourspopulaire.fr, si vous voulez faire un geste ce matin. Le Premier ministre présent sur place hier a mis entre parenthèses son programme initial pour aller à la rencontre des familles qui ont parfois tout perdu. Le remaniement gouvernemental prévu ce lundi devrait donc avoir lieu aujourd'hui. Le sport, le foot avec le match des Bleus en Ligue des Nations ce soir, match officiel, France-Allemagne, le choc entre les deux derniers champions du monde à Saint-Denis, coup d'envoi fixé à 20h45. Et pour ceux qui sont toujours à la recherche d'un maillot 2 étoiles, vous êtes très nombreux. 170 000 exemplaires devraient être livrés d'ici Noël en France, alors que plus du double ont été précommandés selon le Figaro. Ça passe vite, début des vacances scolaires dans 3 jours pour tous les élèves. Un repos bien mérité après un début d'année toujours très chargé. 20% des Français devraient en profiter pour partir en congé pour la Toussaint, le plus souvent en France d'ailleurs. C'est le bilan d'un sondage qui a été dévoilé hier, c'est donc beaucoup plus que l'an dernier. Chacun son tour, Lego a bien eu droit à 4 films au ciné. Rien de surprenant donc de voir les Playmobil débarquer en salle prochainement. Sortie attendue en août prochain selon les studios à l'origine du projet. L'histoire de Maria qui se lance à la recherche de son petit frère. C'est le réalisateur de La Reine des Neiges qui a été choisi pour piloter ce nouveau film d'animation. Et puis un événement énergie pour finir. La tournée de Pink passera par la France en 2019, c'est officiel. Une date a été programmée le 3 juillet dans la Paris La Défense Arena. C'est la nouvelle salle de la capitale. Plus de 30 000 spectateurs attendus pour ce concert événement. La billetterie ouvre mercredi de la semaine prochaine. Pink est nommé au Energy Music Awards cette année. Les votes, ça se passe comme d'habitude sur le site officiel en ce moment. 8h02, fin de ce flash, bon réveil, bonne matinée, on est le mardi 16 octobre. Votre Manu dans le 6-9 sur Energy. Rendez-vous dans une toute petite demi-heure pour le prochain point sur l'actu. Bonne journée. Chaque jour, on démarre la journée ensemble. Soyez les bienvenus sur Énergie dès 6h. On est en direct jusqu'à 9h30 avec tous les moins du matin. Il y a Isabelle. Salut. Il y a Nico. Ouais. Il y a Paulette. Il y a Glandu aussi. Feu. On va doubler votre salaire. Ça va se passer dans 2 minutes. On va écouter Aya Nakamura. Juste après, ce seront les concours du jour. Ouais. Des gens improbables qui font des choses improbables pour nous dire ouh, il y a pire que nous dans le monde. Oui. Avant ça, quelques infos. Ah bah, on peut démarrer par l'info royale d'hier. Meghan Markle et le prince Harry d'Angleterre attendent un enfant. Ouais, ah. Ça y est. Il devrait naître pour le printemps 2019. Aujourd'hui, la réflexion de Glandu. Ah, ça y est. Mais non, mais ça a pas traîné. Ça a pas traîné. Hein, ils ont été vite. Ah, bah ça a été très rapide. Ah, bah, oui. Ouais. Bah oui, c'est des rapides. C'est bah, trop ouais. bizarre que ce soit aussi rapide. Moi, je sais pas. J'ai un doute derrière cette histoire. Mais ça fait longtemps qu'ils sont ensemble quand même. Oui, mais bon, là, ils se sont mariés. Ils auraient pu attendre un peu, s'éclater, voyager, voir des potes. Là, non, mais... direct l'enfant, quoi. Ouais, on parle de la famille royale d'Angleterre. Ouais. Là, on parle pas de ta copine qui se bourre la gueule en soirée tous les trois. Non mais toi ce que je veux dire c'est ouais mais Meghan je pense que c'est pas la dernière hein. Ah bah je sais pas oh. On peut encore faire un petit peu la fête quand on est parents hein, faut pas croire hein. Bien sûr effectivement ouais. Bah oui regardez-moi ouais, ouais. Toi par exemple ta dernière fête Isabelle toi qui oh. es parent depuis longtemps. Ça fait bien 7 mois que je suis pas sortie. 7 mois Je l'ai quand même emmené au resto hier midi hein, ah c'est vrai ouais, ouais, ouais, on a mangé ensemble. Je me suis dit il faut quand même mettre un peu de peps. Tu sais quoi Isabelle elle a tellement plus l'habitude d'aller au resto que quand elle a fini de manger elle a débarrassé. T'as pas tort, Manu. C'est dur. Bon, bref, l'info, c'est que Meghan Markle et le prince Harry attendent un enfant. Voilà, ouais. Il va naître au printemps. Pour ceux qui sont passionnés par la famille royale, c'est une bonne nouvelle. Pour les autres, courage, on est parti pour 9 mois sur Internet 2. Et ce sera quoi le prénom? Ouais, voilà, on fait des paris. À la fin, tout le monde aura faux, évidemment. Ouais. Mais c'est pas grave. 8h05, c'est parti, on double votre salaire, les amis. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire sur energie.fr ou manu dans le 69.com. Ça prend quelques secondes et c'est gratuit, évidemment. Nous allons appeler maintenant Laurine. Elle habite Ouzilly, c'est dans la Vienne. Elle a 26 ans et elle touche 1267 euros chaque mois. Laurine, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Attention. Attention. Oui, allô. Allô, Laurine. Oui. Laurine d'Ouzilly dans la Vienne. Oui. J'avoue que Ouzilly, c'est rigolo. Oui. C'est rigolo, ouais. Ça fait gratouiller. Oui, ça te fait rire, ça, Manu. Ah oui, ça fait. Il y a Zi dedans, donc ça fait penser à Zizi, ça bah me fait voilà, rire. Voilà. Moi, il m'en faut peu. Hein. Mais c'est comme le truc qu'on dit quand on doit sourire sur les photos, Ouistiti. C'est vrai que Ouistiti, Ouzilly, c'est pareil. Ça se ressemble. Oui, Ouzilly, paquebot aussi. Ok, d'accord. Vous avez vu Paulette ce matin? Je sais que Paulette est passée ce matin à un moment, elle a dit « Ouistiti !» À part ça, pas grand-chose, honnêtement. Laurine, n'oublions pas que nous sommes là pour elle. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Oui. Et voilà, c'est gagné, Laurine. Oh purée. 1267 euros fois 2, ça va faire 2534 euros pour toi. Ah, j'y crois pas. Eh ben si. Eh ben non, c'était une blague. Ça fait 2 minutes qu'on t'appelle pour faire une blague. Bah non, évidemment que c'est vrai. Laurine, 2534 euros pour toi. Tu es femme de ménage dans un hôtel 4 étoiles. Oui. La classe. Non, pas la classe. Ça dépend des fois. Bah, pourquoi ça dépend des fois? Un hôtel 4 étoiles, c'est le luxe. Ah ouais. Ah oui, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est les gens, des fois, c'est pas le luxe. Hein. Tu veux dire que des gens qui vont dans des chambres d'hôtel 4 étoiles sont aussi cracra que nous? Ah, même pire. Je pense même pire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire à 8h07 du matin ou pas? Ah non, il y a des choses, non. Je peux pas, ça fait trop tôt après le matin. On va pas choquer les gens. D'accord, il n'y a pas le nom Dominique Strauss-Kahn dedans. Non. D'accord. Non. Isabelle ? Laurie, une question très très pratique. Est-ce que tu as une astuce pour faire les lits hyper vite ? Alors, vite, je ne sais pas. Mais après, oui, peut-être plus pratique. Quand tu as ta housse de couette, le bas de la housse, tu la mets sous le matelas. Ouais. Tu relèves le haut de la housse et après tu mets ta couette. Et après tu rabats le tout. Mmh. Ok, Isabelle et Laurine, voilà. Vous nous devez 20 secondes de vie. Merci Laurine, merci. Voilà, sachez que je saurai vous le rappeler en temps voulu. Ouais. Laurine, on te double ton salaire. Bravo à toi, 2534 euros. On t'embrasse fort. Merci. Belle journée à toi. 8h07, Aya Nakamura sur NRG. Juste après, c'est les concours du jour qui sont de retour. Il m'a dit t'es où, je te rejoins t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à ma telle fessée. J'ai pour moi tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop. plus fraîche, moins rien. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines? À mes copines, à mes copines. Tu veux que bombardé, bom, bom, bombardé. Tu veux que bombardé, bom, bom, bombardé. Tu veux la plus bonne, moi, la plus bonne. Tu veux la plus fraîche, moi. Bienvenue sur Énergie, bienvenue au pays des tarés. Ah ouais. Je ne parle pas de nous, je parle des concours du jour. On est des moins moins. Oui. On n'est pas totalement normaux. Mais il y a vraiment des tarés dans le monde. Ça c'est vrai. Écoutez bien les histoires des concours du jour aujourd'hui, juste avant de s'écouter les Maroon 5. Quand je vous dis que c'est des gens improbables qui font des choses improbables, rien ne va dans aucune des histoires que je vais vous raconter maintenant. On démarre aux États-Unis. Un homme entre par effraction dans une maison et tombe dans la penderie sur les costumes du propriétaire. Des costumes très classe. Ouais. Et le voleur les trouve très beaux. Tellement beaux qu'il en essaye un. Et il se dit, bah tiens, maintenant que j'ai sur moi, je m'enfuis avec. Et il se barre. Mais non. Problème. En changeant de vêtements, sur place, il a laissé sa veste à lui. Avec son ADN. Ah ouais. Mais la police n'aura pas besoin de rechercher l'ADN puisque dans la veste, il y a une poche et dans cette poche, il y a son portefeuille et sa pièce d'identité. Oh mais non. Eh, le shopping avant tout quoi. Je pense que même les flics sont dégoûtés dans ce genre d'enquête quoi. Ils doivent se dire ah non, c'est pas possible, c'est trop facile. Ouais. Attention, on attaque maintenant les tarés. Des vrais tarés. Ça se passe au Pays de Galles. Un homme, il y a 2 ans, a retrouvé son voisin décédé dans son appartement. Oh. Ça arrive à n'importe qui, bah tu appelles la police. Bien sûr. Et ben non, lui il a pas fait ça. Au lieu d'appeler la police, il a volé la carte de crédit du mec. Et pendant 2 ans, il s'en est servi pour commander tous les jours une pizza aux anchois en bas de chez lui. Non, mais non. Tous les jours pendant 2 ans. Il a aussi, écoutez bien, parce qu'on peut se dire, mais comment le mec s'est pas fait gauler? Bah ouais. En fait, il a aussi utilisé la carte de crédit donc du mec qui est mort pour payer le téléphone portable de la personne, pour payer les factures. Et pour payer la facture d'électricité pour faire croire que le mec était toujours en vie. Ah non, ça va loin là. Tout ça pour se bouffer les pizzas pendant... En tout, il en a eu en 2 ans pour 15 000 euros, dont 8 000 euros de pizza. Il a finalement été arrêté cette année. C'est et évidemment, il y a de la fraude et tout ça. Ah ouais. Le pire dans l'histoire arrive maintenant. Tous les soirs, le mec se commandait une pizza aux anchois. Ouais. Peine de mort. Pas autant que la pizza hawaïenne, mais quand même. On termine avec une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Une histoire de famille, mais totalement improbable. Un homme de 76 ans a tenté il y a peu de tuer son fils en l'attaquant avec une tronçonneuse alors que son fils était en train de tondre la pelouse. C'est quoi ça? Le fils est en train de tondre la pelouse tranquillement et là il y a le père qui arrive de 76 ans avec une tronçonneuse qui arrive en hurlant sur le fils. Bah alors... Ah, je vais te tronçonneux. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Il panique, il se défend lui-même. Avec quoi? Avec ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire sa tondeuse à gazon. Non. La tondeuse à gazon, il la retourne contre le père qui est grièvement blessé, ça lui arrache une jambe. Non. Voilà. C'est un festival de concours là. C'est pas possible. Au final, c'est le père qui va risquer la prison. Ouais. Le fils, on considère que c'est de la légitime défense. Ah ouais? Il y a des familles de tarés. Dites-vous que vous, quand votre tata est bourrée à Noël, c'est pas grave. Bon, enfin, avec modération quand même, la tata bourrée. Enfin, moi, je préfère tata bourrée que le papa à la tronçonneuse, vraiment. 8h14, on revient tout de suite. On a besoin de se calmer. Ouais. Les Maroon 5 arrivent pour vous. 8h14, bienvenue. Manu dans le 6-9. Manu, Manu, et les ouin ouin. Ouh, et le ouin ouin. Énergie. Énergie. Music only. Personne ne peut me parler. Personne, sauf Manu. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est nous, merci. Et ce soir, il y a le documentaire sur Jennifer. Jennifer face à ma vie, c'est sur TMC, c'est ce soir. Cool. Alors apparemment, c'est un gros documentaire parce que pour la première fois, elle se confie. En fait, il y a un écran géant sur la plage, en Corse. Et l'artiste commente les images et ça va retracer les moments forts de sa carrière. Ah, on sera peut-être dedans. Ah, tu crois Non. Honnêtement, non. Ouais, je veux dire, on l'a croisé une ou deux fois. Oui, c'est ça, voilà, on l'a croisé. Bon, ouais. De là à ce qu'ils ont, le mettent en image. Elle dira, ok, après, il y a quoi? Les Maroon 5 tout de suite sur Énergie. Juste après, on va écouter les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Et on va lire les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux. C'est Nico qui les lit, qui les écoute et qui les partage avec nous. Alors, ce matin, on va répondre à vos questions existentielles. Parce qu'on a eu plein sur Facebook. Comme par exemple, peut-on porter des chaussettes avec un short? Ça, c'est une bonne question. Réfléchissez. Ok, on réfléchit et on répond à ça dans 3 minutes. Bon réveil. 24, I was anymore, I was with you. You spent the weekend getting even. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that

En ce moment, pour l'achat d'un gel lave-vaisselle concentré tout en un Max Finish, le deuxième est gratuit. C'est ça, les 4 semaines Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Flacon de 1 litre jusqu'au 21 octobre. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h30 les amis, on est avec vous comme chaque jour. Dans 10 minutes, c'est les sondages du matin. Parce que chaque jour, nous vous donnons des sondages. Et chaque jour, c'est le sondage nous... Bon bref, c'est les sondages du matin. 8% des gens ont déjà acheté un cadeau d'anniversaire à cet endroit. Quel est cet endroit? 8% des gens, c'est pas beaucoup. La réponse sera juste après Kenji. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Alerte rouge toujours en vigueur ce matin pour le département de l'Aude à cause des inondations. Tous les autres départements, toutes les autres vigilances sont levées en tout cas. On va retrouver des nuages, quelques éclaircies dans la zone comme sur une bonne partie de la moitié ouest. Pour un large quart nord-est en revanche, aucun souci en vue, du grand soleil pour tout le monde ce mardi. Les températures restent douces, 19 degrés à Aurillac, 20 à Toulon, jusqu'à 23 à Lille aujourd'hui. 11 morts et 3 disparus, le bilan toujours provisoire des inondations d'hier dans l'Aude est donc dramatique. En quelques heures seulement, il est tombé l'équivalent de 3 ou 4 mois de pluie. La situation extrême aux conséquences extrêmes également. De nombreux habitants ont tout perdu. Certains ont même été illitreillés pour échapper au pire. Des zones entières de cultures sont dévastées. Le gouvernement a donc lancé une procédure accélérée de catastrophe naturelle. Les assurances vont pouvoir travailler plus vite pour indemniser les victimes. Le Secours Populaire lance aussi un appel aux dons. Dans l'actu également, certains fans privilégiés ont pu écouter le nouvel album de Johnny hier à Paris. Johnny Hallyday, bien sûr. Mon pays, c'est l'amour, sortira vendredi matin à minuit. Dispositif exceptionnel pour cet événement. 800 000 exemplaires seront mis en rayon, du jamais vu pour un premier jour. Certains magasins ouvriront d'ailleurs dans la nuit de jeudi à vendredi. Avis maintenant à tous ceux qui vivent dans les régions montagneuses. Les pneus neige devraient être obligatoires à l'avenir. En tout cas, un décret devrait très vite être pris, même s'il reste encore à définir précisément les zones géographiques. Il faudra donc chausser 4 pneus hiver tous les ans du 1er novembre au 31 mars. Un choc ce soir en football au Stade de France. Les Bleus affrontent l'Allemagne pour la rencontre de Ligue des Nations entre les deux derniers champions du monde. Coup d'envoi à 20h45 pour ce match officiel et on devrait retrouver des cadres comme Kanté, Matuidi, Griezmann ou encore Mbappé. Avec eux, la messe est dite. Thérapie Taxi retourne une église pour le clip de son titre avec Tazouz, l'un des 8 morceaux inédits prévus pour la réédition de l'album Itzal. Renaud, Adé et Raph ont dû cravacher pour la sortir le 16 novembre entre les festivals et leur tournée quasi complète. Un rythme totalement effréné où même leurs jours off sont mis à profit pour faire évoluer le show. Super important, moi c'est ce que je préfère maintenant. Enfin, c'est pas ce que je préfère, mais disons que. T'apprécies d'autant plus. L'équilibre, ouais, exactement, t'apprécies d'autant plus. On n'a jamais fait, je crois, par exemple, plus de 4 jours de concert à la suite, tu vois, mais déjà 4 jours c'est beaucoup. C'est bien quand t'as eu 3-4 jours de pause, tu reviens et tu re-kiffes. Puis le fait aussi d'être dans la constance évolution. Je pense qu'on n'était pas totalement prêts, surtout au niveau du live, tu vois, on n'était pas prêts à se retrouver sur des trucs énormes, quoi. Donc il a fallu tout le temps upgrader, tout en tournant, et là ça commence à, je pense, se stabiliser, mais on va quand même toujours chercher de nouveaux trucs, quoi. Voilà, interview signée Sébastien Loflecoq. Thérapie Taxi a retrouvé en tournée avec Énergie du côté de Brest, de Reims ou encore à Rennes. 8h33, c'est la fin de ce flash. Bon réveil avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Très bonne journée. C'est nous qui prenons les commandes. Ouais. Bienvenue sur Énergie, 8h34. On est avec vous encore pendant une heure. Chaque matin, on est là en direct dès 6h jusqu'à 9h30. C'est les moins du matin. Il y a Isabelle. Salut, salut. Nico est là aussi. Présent. Il y a Paulette. Je ne suis qu'amour. Il y a Glandu aussi. Show. Show. Et elle n'est qu'amour. On va écouter Kenji. Ça arrive dans 2 minutes. Et juste après, ce seront les sondages du matin, comme chaque jour. Avant ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi, je vais vous le dire ce qu'on va faire. Laissez-moi 2 secondes. Oh là là, il a pas travaillé. Non. Tu cherches l'information au moment où tu vas la faire, c'est pas bien, Manu. Alors, je vais dire un truc, non seulement j'ai pas travaillé, mais ça fait 8 ans que c'est comme ça. Et nous non plus, invisiblement. Ah oui, oui, oui. Vu qu'on attend que tu travailles. Alors, on parle de quoi? Écoutez bien, je vais vous scotcher. Ah. Vous avez tous déjà embrassé quelqu'un. Oui. Bah oui. Vous avez tous déjà embrassé quelqu'un avec la langue. Oui. Oui. Pourquoi? Ah, mais oui. Pourquoi on embrasse avec la langue. Ah ouais. C'est la fierté française. C'est le French kiss avec la langue. Du coup, ça se fait dans le monde entier. Hein. Ah ouais, bah oui, mais ça s'appelle French kiss en anglais. Bisous oui, français. Oui, du mais coup, c'est un peu la fierté. Quoi. Oui, mais pourquoi on le fait? Ah ouais. Pourquoi on a envie d'embrasser avec la langue? Ah ouais. Pourquoi on le fait? Parce que c'est vrai que le premier qui a fait ça, l'autre, il ou elle devait être surpris. Hein. Bah oui, c'est pourquoi elle s'est mis sa langue dans ma bouche. Et alors? Pourquoi on s'embrasse avec la langue? Ah, c'est une bonne question, Manu, tu m'intéresses. Alors, vous voyez, on dit que je prépare pas l'émission. Ah, si, si, si. Dis-nous, si ça, c'est pas une vraie bonne question, Paulette. Non, non, je disais que je préférais les smacks, effectivement, parce que la langue, ça dépend, quoi. C'est pas toujours super. Oh. Tu préfères les smacks à la langue? Ouais, je crois que je préfère les longs smacks à la langue. Bah, c'est bizarre, un long smack, t'as l'impression que c'est une ventouse que tu veux déboucher les toilettes. Non. Ah non. La langue, c'est rigolo en plus. Tu vas jouer avec l'autre et tout. T'as un petit combat de langue. Et puis, il y a. Combat de langue. Bah ouais, si, si. Et non, mais il y a un combat, il y a un côté sensuel, quoi. Ouais. Oui, quand c'est bien fait. Ah oui, bah alors, évidemment. Oui, mais t'as une vraie réponse ou pas à cette question? Oui, j'ai la vraie réponse. Oh, vas-y, alors, allez. Alors, d'abord, Isabelle, tu dis je m'excuse, j'ai pensé que tu préparais pas l'émission. Manu, t'es vraiment un putain de bosseur. Ok, ça marche. Oula. Voici pourquoi on s'embrasse tous avec la langue. La réponse après Kenji. Oh mais non, Guillaume, non, c'est pas sympa. Manu n'y travaille pas. Je vous donne la réponse dans 3 minutes pour rester là. Alors. Non. Enfant des villes. Si. Ou enfant des fois. On se fait tous une île pour aller bien à l'horizon. Pas de boulot. C'est pas qu'on est con, non. C'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac. Quand ça va pas, et demain l'horloge s'arrêtera. Comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue. Comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Pour se vider la tête. Pour oublier, pour oublier, pour oublier, pour oublier. Il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé, il n'y a plus ni futur ni passé. Danser, danser. Faire les rois pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois. Bienvenue sur Énergie, les sondages du matin arrivent, mais avant ça, je vous dois une réponse. Ah oui, allez. Pourquoi l'appel? Pourquoi est-ce qu'on s'embrasse? Oui, bah c'est ça le truc. Ouais, c'est vrai. Ça s'appelle rouler une pelle. Hein. Oui, oui, oui. Pourquoi est-ce qu'on s'embrasse avec la langue? Mais oui. Ah-ha. Moi, je pensais pas qu'il y avait une vraie raison. Je pensais que c'était juste instinctif, tu vois. Eh ben, en fait, c'est ça la raison. Ah bon? C'est instinctif. Des chercheurs anglais ont découvert qu'il s'agit d'un instinct de survie. Le fait de s'embrasser avec la langue. Je vous explique. On échange nos salives. Et en échangeant notre salive, on recherche un partenaire génétiquement compatible. Ah, ah bon. C'est la base. Et c'est pas tout. notre odorat n'est pas très développé par rapport à d'autres animaux. Donc on décide naturellement de goûter notre partenaire pour voir si on a des réponses immunitaires similaires. C'est ouf ou pas? Le truc qu'on croit être quelque chose de sensuel, sexy, etc., c'est juste pour goûter si on est un peu pareil de façon immunitaire. Mais Manu, comment on sait si ça marche, si c'est compatible? C'est instinctif. Ah ouais? C'est instinctif. Quand on embrasse quelqu'un et que tu fais waouh, c'est bien, c'est juste que t'as les mêmes bactéries. Mais grâce à ton info, je suis en train de comprendre quelque chose. Quand j'étais très amoureuse d'un garçon, j'adorais l'embrasser avec la langue. Quand je suis plus amoureuse, ça me dégoûte. Et je sais que je suis plus amoureuse parce que l'embrasser me dégoûte. Vous avez des réponses immunitaires qui ne sont plus similaires, qui sont plus compatibles. Parce que tu peux embrasser une fille et te rendre compte que ça va pas, quoi. Et du coup, te barrer. Ah ouais. Exactement. Pour être sûr de l'embrasser, quoi. Désolé, physiquement, tu me plais. Génétiquement. C'est dur. Et ça marche pas. C'est 8h40, voici les sondages du matin. Juste avant d'écouter Juice WRLD, c'est parti comme chaque jour, des sondages pour vous. Pour 77% des enfants, c'est le pire vêtement qu'on puisse leur faire porter. D'après vous, quel est ce vêtement, Nico? Le pantacourt. C'est pas le pantacourt. Les cache-oreilles. Les cache-oreilles en petite fourrure. Alors c'est pas ça, mais c'est très proche, c'est la cagoule. Ah ouais. Ah c'est dur la cagoule. Franchement, quand t'es enfant, la cagoule c'est compliqué. Ah moi j'aimais bien. Ah bon? J'en avais toutes les couleurs, ma mère elle en achetait plein. Je crois que t'as une tête à cagoule. Ah ouais, non, je te jure. Non, c'est pas sympa. Ça, c'est pas gentil. Je le prends pas mal, j'adore la cagoule. C'est génial, t'as pris bien ma vanne. Ouais. Sauf qu'un premier rendez-vous, c'est quand même pas très sympa. Non, mais t'imagines, t'es là en train de dîner. Alors, je te plais, t'as vraiment une tête à cagoule. C'est horrible. Oh. Tiens, j'en ai apporté une. 8% des gens ont déjà acheté un cadeau d'anniversaire à cet endroit. Quel est cet endroit, Nico? Un tabac presse. Non. Une librairie de musée. Très précis. Et ça va vite dans ta tête. Hein. Parce que 8%, c'est pas beaucoup. Non, effectivement, c'est pas beaucoup. Une librairie de musée, c'est pas beaucoup. Un magasin de pompes funèbres. Oh. Quel cadeau t'en fais? Il y a des fleurs. Non. T'achètes des fleurs? Mais non, il n'y a pas de fleurs dans un magasin de pompes funèbres. Il y a les cercueils. Ouais, je crois qu'il y avait des fleurs. Non, les fleurs, c'est chez le fleuriste. Ah, ouais, ça marche aussi. Qui n'a pas de cercueil non plus, le fleuriste. Chacun son taf. C'est un magasin où on va souvent, comme le supermarché, ou c'est plus rare? On y va souvent, mais toi, tu n'y vas jamais. Et pourquoi tu n'y vas jamais? Parce que tu n'as pas ton permis. T'as pas de voiture, tu ne vas jamais dans une station-service. Ah oui, c'est vrai. Ouais. 8% des gens ont déjà acheté un cadeau d'anniversaire dans une station-service, j'en fais partie. Mais qu'est-ce que t'as acheté là-dedans? De la merde. Ah oui. Alors, t'as le choix, soit t'achètes un chargeur universel, soit t'achètes une compile énergie, mais pas la dernière, celle de 88. C'est le principe de la station-service. Dernier sondage du matin, dans une journée de travail, nous le faisons beaucoup plus durant les deux premières heures. Dans une journée de travail. Glandu. Papoter avec les collègues? C'est pas ça. C'est la pause café, non? Non plus. Penser à ses enfants? Non. C'est positif ou négatif? C'est plutôt positif. Aller aux toilettes? Non plus. C'est un truc que tu fais genre derrière son ordi ou pas du tout? Oui, tu peux le faire derrière ton ordi. En fait, vous trouverez pas, je vais vous donner la réponse. Ah ouais, c'est quoi? Parce que vous allez dans la mauvaise direction. Ouais. Dans une journée de travail, nous le faisons beaucoup plus durant les deux premières heures. Travailler. Ah? Mais non. On travaille et on est plus efficace pendant les deux premières heures et après, ça chute. Il est 8h43, on a commencé à 6h. Le délai est dépassé. À demain. Mais oui. Passez une belle journée, ça fait 40 minutes qu'on bosse plus. Non. Je déconne, nous, c'est depuis 6h. Voici Juice WRLD sur Énergie. Et juste après, on va se faire un ça ou ça. Ah, ok. Ah, cool. Le principe, il est simple, on dit deux trucs et on dit si on préfère l'un ou l'autre. Ah, c'est simple. Quand je vous dis que le temps de travail est dépassé. Hein. Bon réveil sur Énergie. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all in my head. I have these lucid dreams where I can't move. you blowing away, and I should've listened to my friends. Leave this shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart break. You made my heart break. You made my heart break. You made my heart break. You made my heart break. You made my heart break again. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Oui. Excuse-moi, j'ai un petit problème. J'ai un écran qui ne s'allume plus. Ah, j'ai un écran devant moi qui me permet d'envoyer des sons. Et cet écran s'est éteint d'un coup. Je ne peux plus rien envoyer. Si la technique à énergie nous écoute, il faut venir en urgence dans notre studio. Vite. Oh, il est là, il est déjà. Il est toujours fort. Il veut. Viens, on a besoin de toi. Fred. Excusez-moi, pardon, c'est en direct, c'est important. Fred, nous avons un problème. Oui, qu'est-ce qui se passe? Regarde, cet écran-là, c'est éteint d'un coup. Du coup, on ne peut plus rien envoyer. C'est embêtant, oui, c'est le principe. Après, Nico, je crois, a un backup de... Nico. Ouais, mais je suis pas la meilleure personne pour envoyer des sons. Parce qu'en fait, il pourra pas savoir quand je vais envoyer des sons. Je suis d'accord. Après, en plus, il est neuf, cet écran, on l'a changé il y a quelques jours. Je sais pas. Mais Fred, tu nous as habitué à toujours un travail professionnel impeccable. Sauf te manquer de respect, Manu, il y a un bouton on-off derrière. Est-ce que t'as regardé ou pas? Tu me prends pour qui? C'est mignon. Fred, vas-y. Si tu peux essayer. Attends, tu m'as pris pour ma meuf qui a essayé de faire marcher l'imprimante. Attention, tu dérapes. C'est débranché. Je dérape de quoi? Je vous en ai déjà parlé. Ouais. À chaque fois, mon ex, maintenant, à chaque fois, elle me disait l'imprimante marche pas. J'arrivais, je branchais la prise. Ouais, je suis désolé. Alors. Parce qu'arrive souvent avec tes pieds, t'as peut-être débranché le truc avec tes pieds. Oui, bien sûr, dans un studio, je débranche tout, c'est comme à la télé. Si ça se trouve, le présentateur, Anne-Claire Coudray, c'est, ouais, elle peut débrancher une prise, ça coupe TF1. Non, c'est, on est des professionnels. Il s'est éteint tout seul. Fred, première analyse. Première analyse, il ne s'allume pas. Ok. Bon, on a les meilleurs. Fred, une question. Au départ, t'es boulanger? Oui, tout à fait. Ouais, d'accord. Okay. Non, ça nous rassure. Bon, écoutez, on peut plus rien envoyer pour l'instant, tant que l'écran n'est pas rallumé. Ce n'est pas très grave. Non. C'est quoi l'important? C'est que la pub, elle peut démarrer. C'est vrai. Parce qu'énergie, il y a quand même un truc. C'est que c'est bien séparé entre l'envoi de la pub et l'envoi de la musique, l'envoi des sons et tout. Vrai. C'est très important. Il y a une salle sécurisée pour la pub, il y a une autre pour la musique. Okay. Mais celle de la musique est un petit peu moins sécurisée. Il faut savoir que quand cet écran-là s'éteint, qu'on peut plus rien envoyer, on peut plus rien envoyer. Quand l'écran de la pub s'éteint, il y a un deuxième écran qui peut envoyer la pub. Et si le deuxième écran s'éteint, etc., il y en a 8 comme ça. Et Jean. Ouh, Fred vient de réparer l'écran. Il a Ce qui est génial, c'est que Fred, il répare l'écran et d'un coup, il appuie tout seul sur le bouton. Tiens, j'envoie de la samba. Oh, génial. Alors, attends, d'où venait le problème? Problème d'alimentation. Après, il faut que je vois pourquoi l'alimentation a sauté. T'as juste rebranché la prise? J'ai débranché l'alimentation, j'ai rebranché. Ah, ok. Comme mon ex-femme, donc, avec l'imprimante. Putain. Ok, d'accord. Ah, voilà. Ok, je suis désolé. Bah voilà, Manu, qui a été puni. Oh la vache. Merde. Bravo. Bah bravo Fred. Ouais, merci. Tu viens à la maison pour réparer l'imprimante aussi? C'est humiliant quand même, non? Ce qui vient de se passer. C'est pas humiliant, c'est différent. Non, je vais te dire un truc, honnêtement, si je l'avais pas fait venir, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais réparé moi-même. Si je l'avais réparé moi-même, qu'est-ce qu'ils se disent à la direction? Ils disent, mais Manu, il s'est tout réparé. Pas besoin d'avoir un technicien. Donc qu'est-ce qu'on dit à Fred? On le convoque dans le bureau et là on lui annonce qu'on n'a plus besoin de lui. Oh non, non, pas Fred. Fred, est-ce que tu viens de te rendre compte que je viens de te sauver ton emploi? Je viens de me rendre compte et je t'en remercie. Ah ouais. C'est pas. Je remercie de me donner Manu. Ah franchement, quel humaniste. Wow. Ça me fait plaisir. Un Manu au gouvernement. C'est pour ça que je tiens à Fred et à son emploi. Ainsi, je vais donc casser maintenant l'autre écran. Oh non. Non. Merci beaucoup. Mais de rien. Mais ça me fait plaisir à chaque fois que tu viens. À une prochaine fois. À bientôt. C'était la rubrique de Fred. Non. 8h50. On devait faire un ça ou ça. Bah, on le fera après. Okay. Voici Jane sur NRJ. Soyez les bienvenus. C'est Manu dans le 6-9. On démarre la journée tous ensemble. Que d'aventure. Ouais. To look down at you. Things gonna be on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be Bienvenue sur NRJ et je suis au regret de vous annoncer, si vous étiez avec nous il y a 3 minutes, que le problème vient de se reproduire. Ouais. Mon écran que j'utilise pour envoyer les sons s'était éteint. Fred, notre grand technicien, est venu, il l'a réparé et l'écran vient de se rééteindre. Fred, qu'est-ce qu'on peut faire comme diagnostic? Par acquis de conscience, je suis venu vérifier la lime histoire que ça ne refasse pas le truc et ça l'a refait. Donc, on va chercher une autre lime. Tu crois que c'est un problème d'alim? Pour moi, c'est un problème d'alim. Mais on est sur du triphasé, on est sur quoi là, exactement? Ah non, on est sur du. Non, non, on est sur du 220 classique. On est sur de l'alternative, sur le continu. On est en CDC, quoi. On est en CDC, d'accord, d'accord. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de précision sur le problème de l'alimentation qui peut causer ça dans un studio tel que le nôtre? Je pense à faux contact. Un faux contact, ah, tout simplement. Manu, on comprend rien, mais ce serait pas une conspiration plutôt? Je me suis en train de me demander si on n'est pas en train de nous saboter. Bon, maintenant, c'est le sabotage le plus nul de l'histoire du sabotage. C'est juste un écran qui s'éteint. On se fait l'autre ça ou ça? Allez, c'est parti, ça ou ça? Vous posez, vous donnez deux choses et on doit décider ça ou ça. Pipi assis ou pipi debout? Pipi debout? Ouais. Ah bah, moi, je suis pas d'accord. Tu fais pipi assis, toi? Ah, moi, toujours. Ouais, depuis la sortie de l'iPhone 1, je fais pipi assis. Je suis obligé maintenant, je te jure. Je suis obligé d'être posé. C'est là que je regarde Instagram, Facebook et tout. Ah ouais? C'est ça. Ah, mais non, quand je fais pipi, moi, je reste pas deux heures. Ah ouais? Ah non? Non, je trouve qu'on a notre statut d'homme, tu vois, à assumer. Et c'est un peu une fierté de faire pipi debout. J'avoue que c'est un avantage. Non, mais c'est un avantage qu'on a sur vous, les filles, que vous nous enviez. À chaque fois, genre, on se balade en forêt, on dit nous, on va faire pipi. Vous faites oh, vous avez de la chance. Ouais. Je vous annonce qu'il existe un truc qui nous permet à nous aussi de le faire. Oh non. Bah, bon, mais on le fait pas. On le fait pas parce que c'est pas démocratisé. Tu l'as jamais fait? Non, j'ose pas. Bah voilà. Si tu m'arrêtes la route, je sais pas, je me verrais pas faire ça comme vous. Bah voilà, donc c'est pas une super idée. Le truc qui s'est démocratisé, c'est le petit truc en papier dans lequel il faut faire pipi, là, le tuyau. Ah, mais ça marche pas.